rien. Ça t'en dit, les passés pour moi. Allez, c'est le moment de se réveiller. Jeudi 18 août, déjà. Oui, au thé. Avant, dernier jour, avant le week-end. Exactement. C'est et la rentrée nouvelle. Échelonnée qui continue. Oui. De nouveaux élèves aujourd'hui vont faire la rentrée, que ce soit dans les écoles primaires, au lycée ou encore au collège. On leur souhaite bien du courage, même si pour l'heure, à mon avis, il dort encore un petit peu là. Hein, c'est obligé, Mickaël. Oui, c'est normalement. C'est encore le moment de dormir. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous. Il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il fait froid ce matin, 6 voire 7 degrés en ce moment à la plaine des Cafres. Une température de saison, mais difficile à supporter, notamment pour les enfants qui ont fait leur rentrée hier. Heureusement, la mairie du Tampon a installé des pompes à chaleur dans certaines écoles. Reportage à suivre. La mairie du Tampon qui doit faire face à la colère des agriculteurs de Piton-Hyacinthe. Ils n'ont pas d'eau et perdent 80% de leurs revenus. Témoignage dans ce journal. Attention, si vous revenez de vacances, l'ARS craint l'introduction dans l'île de virus comme le Zika, l'agence de santé, qui conseille de se protéger des piqûres de moustiques. Et puis aux Jeux Olympiques, l'aventure continue pour Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores. Ils sont en demi-finale. C'est fini en revanche pour les basketteurs, éliminés hier par l'Espagne en quart de finale. C'est la bonne surprise de cette rentrée pour les élèves des Hauts du Tampon. La mairie a installé 87 pompes à chaleur dans les 11 écoles de la plaine des Cafres, mais aussi dans certains établissements, des vieux poêles à bois, un changement radical, surtout que le thermomètre ne dépasse pas les 10 degrés en ce moment le matin. Pierre Komorasamy est allé hier à l'école de Bourg-Murat et il s'est rapidement réfugié dans une classe. Le froid dans la classe n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et les enfants s'en réjouissent. Zia et Kemar sont en CM2. Ça faisait de la fumée et ça sentait mauvais. Quand il faisait froid, on mettait les vestes et tout. C'était gênant. En fait, on voyait pas bien les couleurs. C'était blanc et on toussait. Ça faisait mal aux yeux. Enseignante pour les maternelles dans cette école depuis 7 ans, Nina Com l'avoue. La pompe à chaleur a carrément changé la vie des élèves. Et des enseignants aussi. Déjà, il y a des enfants qui ne supportaient pas l'odeur de fumée. Ensuite, il fallait entretenir toute la journée. Donc, mon ATSEM ne pouvait pas être à la fois avec moi et en même temps surveiller le feu. Donc, c'était vraiment une contrainte, ce poêle. Avant, pour la période d'avril à septembre-octobre, les conditions de travail n'étaient vraiment pas idéales avec les poêles à bois. On arrive le matin, on est des fois à 10 degrés. Quand ils ont froid, ils ont besoin d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes. S'il pleuvait un petit peu en plus du froid, là, c'est sûr qu'on avait beaucoup, beaucoup d'absents. Là, du coup, depuis qu'on les a, tout le monde est content, les parents sont contents. Les enfants aussi sont beaucoup mieux dans le dortoir, ils dorment bien, ils ont chaud. Deux raisons essentielles ont dicté le choix de ce système de chauffage. Primo, pour ses capacités de rendement en chaleur. Et secondo, parce que cet équipement peut également être converti en climatiseur. Coût de l'installation de ces pompes à chaleur, 137 000 euros. La rentrée, toujours avec les professeurs stagiaires qui étaient hier à l'université pour récupérer leurs feuilles de route. Ils étaient environ 400, des enseignants encore en formation à l'ESPE, mais aussi en poste dans un établissement scolaire. Eux aussi ont fait leur rentrée hier, les stagiaires de la LM Academy. Ce n'est pas de la télé-réalité, plutôt un centre de formation au sein de la société LM, spécialisée dans la distribution de fruits et légumes. Dans ces locaux transitent 20 000 tonnes par an, 10 000 sont produites à La Réunion. Résultat, la société a décidé de former des vendeurs. Sophie Persson. 11 stagiaires forment la première fournée de ce centre de formation situé au sein même d'une entreprise. Ils viennent de grandes surfaces où ils travaillent au rayon fruits et légumes et pendant 8 mois, ils vont tout apprendre de cette filière pour ensuite mieux mettre en valeur les produits, mieux s'organiser aussi. Et on peut dire que la visite des entrepôts leur a déjà permis de comprendre plus de choses. Ils ont pu voir comment on conditionne les carottes sous vide, comment les pommes de terre sont emballées dans des filets et à quelle température sont stockés tous ces fruits et légumes. L'objectif, c'est qu'ensuite, tous ces beaux produits le restent dans les magasins. Ces stagiaires sont pris en charge soit par leur entreprise, soit par des OPCA. Et à la fin de la formation, ils obtiendront un certificat de qualification professionnelle. La société LM qui travaille avec plus d'une centaine de producteurs. Les producteurs, ceux du Sud et plus précisément les agriculteurs de Piton-Hyacinthe sont en colère. Ils n'ont pas d'eau et avaient rencontré le maire du Tampon en juin dernier à ce sujet. André Tiennacoun leur aurait alors promis des compteurs au mois d'août. Problème, il n'y a rien à l'horizon. Hier, la chambre d'agriculture a donc de nouveau alerté la mairie. Ces planteurs maraîchers perdent en effet 80% de leurs revenus par an. C'est le cas de Stella Nativelle. Elle est installée depuis un an maintenant sur son terrain d'un hectare. J'ai acheté le terrain il y a un an et j'ai fait une demande d'eau d'irrigation à la commune. Ça fait un an, je n'ai rien reçu. Ensuite, on a fait une manifestation à la mairie du Tampon parce que je ne suis pas la seule à ne pas avoir de l'eau. Et puis, voilà, monsieur le maire nous a dit que d'ici début août, on aura l'eau, c'est sûr. On aura notre compteur, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, on est le 20. Quasiment le 20, et on n'a toujours rien. Le problème avec moi, c'est que l'eau il passe sur mon terrain, la canalisation des herbes blanches passe sur mon terrain. Il y a des grosses bornes en fer sur mon terrain. Les compteurs d'eau de mes voisins sont sur mon terrain, et moi, je n'ai pas le droit à un compteur. Stella Nativelle, agricultrice à Piton-Hyacinthe, au micro Réunion Première de Pierre Comorasami. La mairie du Tampon, elle explique qu'elle n'a promis qu'un accompagnement pour aller vers la collectivité compétente, en l'occurrence le département. 5h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Si vous revenez de vacances, attention aux maladies vectorielles transmises par le moustique. La dengue est actuellement très active en Inde, en Asie du Sud-Est et même aux Seychelles. Le Zika, lui, est toujours très présent dans une grande partie de l'Amérique du Sud et dans les Antilles. Si vous avez séjourné dans ces régions, ce message de l'ARS vous concerne. Olivier Rey, directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire. Le message le plus important que l'on fait passer, c'est de continuer à se protéger des piqûres de moustiques pendant un certain nombre de jours, pendant une dizaine de jours après le retour à La Réunion, pour éviter, si on a le virus dans son organisme, de propager, de participer à la propagation du virus. Donc l'important, c'est vraiment de se protéger. Ça peut paraître étonnant quand on est de retour à La Réunion, ça peut paraître d'autant plus étonnant si on n'a pas vraiment des signes et qu'on n'est pas malade, mais c'est important parce que, je le dis, je le répète, la personne peut avoir introduit ce virus à La Réunion et si elle se fait piquer par un moustique ici, dans les quelques jours qui suivent son retour, ça peut enchaîner la propagation de la maladie. Olivier Rey, directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, interrogé par Antoine Garnier. Lui pourra finalement se rendre dans l'Hexagone. L'écrivain comorien Ali Zamir a finalement obtenu son visa. Auteur d'Anguille sous roche, Ali Zamir, 27 ans, est sélectionné pour plusieurs prix littéraires, dont le prix du roman Fnac. 6 mois de prison ferme, c'est la peine prononcée hier à l'encontre d'un jeune portois de 19 ans. Il avait participé dimanche dernier à l'agression d'un vendeur de poulet dans la cité portuaire. On passe au sport avec les Jeux Olympiques de Rio. Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores sont en demi-finale. Les Bleus ont battu le Brésil hier en quart 34-27. Daniel Narcisse a marqué 7 buts, mais il s'est blessé au genou durant la rencontre. Comment va-t-il? On écoute sa réponse. Non, j'avais peur parce que ma fille s'est pas décroisé, moi. Donc, en fait, m'a gagné un coup dans le genou. Donc, évidemment, il fait mal. Mais mon genou la tourne un petit peu en même temps, donc là c'est pour ça que m'avait un petit peu peur. Après le médecin la nuit il a fait un petit peu les tests, à regarder vite fait, le croisé est encore là, donc on m'a dit bon allez, faut serrer les dents, la douleur va passer. Finalement, Les gars, l'Angola. Comme il dit, Kafna Sedpo. Daniel Narcisse, interrogé par un de nos envoyés spéciaux au Brésil, Johnny Lérivain. Vendredi, l'équipe de France de handball affrontera l'Allemagne en demi-finale. Fin de l'aventure, en revanche, pour l'équipe de France de basket, éliminée hier par l'Espagne en quart de finale. La réunionnaise Cindy Bio a également été sortie du 100 mètres et. C'est la fin de ce journal. L'actualité nationale et internationale, maintenant, avec nos confrères de France Info, Anne-Charlotte Costa. Badi, ce matin, nous parle de la rentrée. Un coup de pouce pour acheter les cahiers, stylos, cartables et tout ce qu'il faut pour les enfants. Pour septembre, l'allocation de rentrée scolaire tombe ce jeudi pour près de 2 800 000 familles. Cette allocation sous condition de ressources est stable pour la deuxième année consécutive entre 360 et 396 euros selon l'âge des enfants. Comparution immédiate pour les 5 hommes impliqués dans la rixe sur une plage corse à Cisco. Ils étaient en garde à vue après des affrontements samedi entre des habitants du village et une famille qui ont fait 5 blessés. Les deux habitants comparaîtront libres. Ils ont été relâchés dans la soirée. Les trois membres de la famille sont restés en garde à vue. Selon le procureur de la République de Bastia, cette famille d'origine maghrébine a déclenché les incidents, voulant s'approprier, privatiser la plage, selon ses termes. En revanche, pas de burkini, comme indiqué par des témoins. Ce maillot de bain intégral, porté par certaines femmes musulmanes sur les plages, est désormais interdit à Cisco, mais aussi dans deux nouvelles communes depuis hier, à Le Cat, dans l'Aude, et à Cap-d'Aille, près de Monaco. En tout, 8 communes ont donc décidé de l'interdire. Le Premier ministre Manuel Valls dit comprendre, mais il ne légiférera pas sur la question. Il pourrait y avoir de nouvelles perturbations ce matin pour les trains dans le sud. Un violent orage dans l'Hérault a provoqué hier un grave accident de TER près de Montpellier. 8 personnes ont été gravement blessées, dont une en urgence absolue, éjectée du train qui a percuté à plus de 140 km/h un arbre tombé sur les voies vers Saint-Aunès. Plus de 200 personnes étaient à bord et cet orage accompagné de grêle a endommagé 1000 hectares de culture, dont des vignes du Pic Saint-Loup, à 3 semaines des vendanges. L'ONG Amnesty International dénonce la torture à grande échelle dans des prisons du régime syrien. Plus de 17 000 détenus auraient péri en détention en 5 ans de guerre. L'ONG pense qu'il y en a bien plus et fait état d'une cruauté, je cite, sous sa forme la plus vile, avec notamment, selon les témoignages, des viols, des électrocutions et des personnes ébouillantées. Blue Coat Fire, c'est l'incendie qui a déjà ravagé 12 000 hectares en 24 heures à 1 heure de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, dans la forêt de San Bernardino. Plus de 80 000 personnes doivent être évacuées. L'autoroute entre Los Angeles et Las Vegas a dû être fermée. L'état d'urgence promulgué. Les scientifiques du gouvernement américain l'affirment. Le mois de juillet a été le plus chaud depuis le début des relevés de température, c'est-à-dire il y a 137 ans. C'est également le 15e relevé mensuel de suite qui bat des records. Nous en sommes pour l'instant à 31 médailles françaises aux Jeux Olympiques de Rio. Dans la journée, les cavaliers de l'équipe de France ont décroché l'or au saut d'obstacle, une première depuis 40 ans. Également une médaille de bronze tardive en athlétisme pour Mayedine Mekissier en 3000 mètres steeple. Le Kenyan Ezekiel Kamboa a été disqualifié après avoir coupé un virage. En revanche, pas de médaille pour Yasmina Aziz, battue en petite finale de taekwondo par son adversaire d'Azerbaïdjan. La France est 6e du classement. Et puis à suivre en ce moment les demi-finales du 200 mètres en athlétisme avec Christophe Lemaître et Usain Bolt. Merci de vous réveiller avec la première, il est 5h11. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, dans le ciel aujourd'hui, on ne va pas faire compliqué, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes nuages, sur la même zone, voilà. De l'est au sud sauvage, entre Petite-Île et Sainte-Marie, vous avez même quelques gouttes ce matin, puis progressivement, cela ne va pas durer, les éclaircies vont revenir, ça c'est la bonne nouvelle, même quand si même. Sur les plaines de l'est et à mi-hauteur, notamment au volcan, les nuages vont rester accrochés. Sur le sommet, le ciel sera tantôt dégagé, tantôt sous les nuages, et de l'autre côté, par contre, on pourra bénéficier de belles périodes ensoleillées entre Saint-Denis et Saint-Pierre en passant par Saint-Leu. C'est du beau temps aussi dans les cirques avec un peu plus de couverture nuageuse dans Salazie. Puis l'après-midi, quelques averses seront possibles sur le relief de l'Est, mais aussi de l'autre côté, sur l'Ouest à nouveau avec des débordements nuageux et qui pourraient altérer un peu le bleu du ciel entre la Possession et Trois Bassins notamment. Le vent est toujours soutenu, mais un petit peu moins qu'hier quand même. 50 km/h vers Saint-Pierre et vers Saint-Denis avec un régime de brise sur les plages, les températures, elle, reste stationnaire ce matin, vous l'avez compris. On se réveille avec pas plus de 5-6 degrés sur la plaine des Cafres, 18 degrés sur le littoral. Puis cet après-midi, on ira quand même jusqu'à 27 degrés dans l'ouest. Ah bah quand même. Oui, quand pas mal. Météo vous est présenté par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et ça nous fait plaisir de vous retrouver ce matin, ah, 5h13 clair. Dans toute la Réunion. Bon réveil avec nous, c'est grand matin. On vous attend comme chaque matin, bien sûr, sur le numéro SMS. Le nouveau numéro SMS. Ah oui, il est tout nouveau, bah oui. Il est tout chaud. C'est le 06 92 70 2000. À ce numéro, vous nous envoyez tous vos petits messages. Vous êtes avec nous, si vous êtes à la maison, vous vous réveillez tranquillement. Comme vous prenez voulez. Café en train de couler, peut-être. Oui, et bien le café, ah justement, alors, qui coule. Nous, ça nous intéresse. Oui, oui, oui. Parce qu'on a bien envie, en fait, de voir comment ça se passe, vos petits-déj. À la case. Exactement. Bah oui. Alors vous prenez eh bien votre téléphone, vous faites une petite photo de votre petit déjeuner, qu'il soit insolite ou pas, que vous le preniez tout seul ou avec les membres de la famille. Vous postez tout ça sur notre page Facebook, celle de Grand Matin, et vous repartirez peut-être avant 8h avec vos invitations pour aller au cinéma, mais surtout... Surtout avant la fin de la semaine. Cette nuit d'hôtel pour deux, c'est demain que vous pourrez peut-être la gagner. Eh oui. En chambre d'aube dans un hôtel 3 étoiles de Saint-Pierre. C'est peut-être pour vous, oui. À condition de poster votre photo. Alors on rappelle quand même, cette page Facebook, Grand Matin, on est presque 600 déjà dessus. Oui. Donc à chaque fois que vous postez, vous likez. Et aussi. Tous ceux qui participent, qui postent leurs photos, participent pour le tirage au sort de demain. Donc oui. Il affole pas. Hein. Ah oui, non, mais fait double chance de gagner monde, en fait. Tout le monde peut participer à condition que vous postiez cette photo. Prisca l'a déjà fait. Oui. Prisca qui était avec nous ce matin. Coucou Prisca. Hello Prisca. Coucou les amis. Mais là, je peux pas poster de photos. Hein. Je suis en train de conduire. Oui, donc oui. J'utilise le kit main libre, le kit de rigueur. Et puis, je fais un petit coucou à tous les chauffeurs de bus là, que j'ai croisés ce matin, qui vont aller récupérer nos bambins pour l'école. Exact. Ils ont été nombreux. Et là, ça y est, nous sommes en direction de Bras-Panon. Donc, effectivement, côté météo, ça se confirme. Quelques gouttes. Et puis, le temps est couvert en direction de l'Est. Donc soyez vraiment prudents. Il y a déjà du monde sur le réseau routier à cette heure-ci, Prisca, beaucoup de monde. Il y a déjà du monde. Ça y est, bon, hein. Pas d'embouteillage en direction de Saint-Denis, mais beaucoup de voitures en direction de la capitale. Vous êtes sur la route, Prisca ira sur le marché tout à l'heure du côté de Bras-Panon, 5h45. Vous nous ferez découvrir les produits locaux, ma chère Prisca. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et si vous êtes aussi sur le réseau routier, pour nous dire comment ça roule, n'oubliez pas un petit SMS 06 92 70 2000. Ou un petit coup de fil. Oui, 99 2000. C'est Mickaël y répondre ce matin. Oui, bien sûr, je vais répondre. Jean-Claude Machir nous accompagnera sur les routes. Aussi. Toute la matinée, vous êtes dans Grand Matin. Bonne rentrée à tous. Et voici. Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes jeudi, nous sommes le 18 août, c'est la Sainte-Hélène. Bonne fête, c'est doux comme prénom, c'est joli. Bon, vous savez pourquoi je suis là, alors ne traînons pas, écoutons tout de suite l'horoscope de la première. Bélier, grâce à des actions menées sur plusieurs fronts, vous allez obtenir la réussite que vous attendez depuis longtemps. Taureau, une rencontre inattendue ou originale, en tout cas, les célibataires, vous êtes ouverts à tout. Gémeaux, les projets sont porteurs et vont décoller très vite. Cancer, une personne ou placée vous donne la sensation d'évoluer, à vous de dire jusqu'où vous voulez aller. Lion, une autre période va s'ouvrir. Vierge, votre couple et votre foyer seront vos centres d'intérêt aujourd'hui. Balance, vous serez à la recherche d'opportunités, de contrats, d'accords ou d'alliances. Scorpion, on vous invite à développer vos aptitudes, surtout au travail, et acquérir un peu plus de discipline aussi. Sagittaire, l'entente est bonne si vous voguez avec des poissons. Capricorne, vous êtes constamment sollicité sur le plan de votre vie sociale. Cela peut devenir fatigant. Verseau, quelques remplacements inopinés ou des circonstances auxquelles vous n'êtes pas préparé pourraient vous déstabiliser. Poisson enfin, vous allez enfin pouvoir extérioriser vos capacités créatives. On vous encourage. Excellente journée à tous et à toutes. Bah merci, merci Juliette. Oh, c'est un plaisir de vous accueillir chaque matin. M'étonnes. Moi, je suis amoureux. J'adore Juliette. Oh, quelle belle histoire qui a démarré lundi. Mon Dieu, comment ça va se finir avant la fin de l'année. On a hâte de voir. Je sais pas encore, mais d'ici là, c'est le duo Baster Kali avec Enfant de la Balle sur Première. Je suis tombé, t'es déchiré, pas torturé, à coups de bombe, à coups de fouet, au nom de qui je suis tombé. Tombé de haut, tombé de trop de vis en vie, en embargo, la peine, la haine qui colle à la peau. deux ados à la dîner, à nez, à la mort, tu veux rentrer, c'est trop tôt. Tomber à pic, tomber trop vite, à la vie, à la mort, la peur au corps, des intérêts en décor. De mots en vis-à-vis, quand à vie fou à mort, tu veux pleurer, c'est trop fort. Cœur déchiré, pas torturé, à coups de vent, à coups de fouet, au nom de qui je suis tombé. C'est trop tard. Tomber trop loin, tomber au point sous la mitraille de salopard dans un champ d'honneur qui sonne fort. La mort à corps et âme, ce leurre qui a sonné. Tu veux coller, tu veux coller. Cœur déchiré, pas torturé, à coup de vent, à coup de fouet, au nom de qui je suis tombé. Sur l'album Wio de Thierry Goliris de Bastère, c'était sorti en 2008. Le morceau avait été fait avec Kali, que Thierry avait invité en studio. Le morceau avait été écrit par la femme de Thierry Goliris. C'est une histoire de famille en fait. Ah hein, oui, oui, complètement. Enfant de la balle. Et tout ça en rapport avec l'Afghanistan. Et ils avaient dénoncé, bien sûr, cette guerre et notamment ses victimes, ces jeunes, comme Anthony Rivière, on rappelle. Exactement. Vous savez où est-ce qu'ils se sont rencontrés, Kali et Thierry Goliris? Ah oui. T'as qu'il faut. Ah oui. Bah oui. L'événement, un lieu de rencontre, hein. Pour les formations de duo, ce ça qu'il faut. C'était Enfant de la balle sur Première Bon Réveil dans le Grand Matin. On va sur les hippodromes ce matin et on commence déjà par l'arrivée d'hier. C'était à Enghien. Exactement. Il fallait jouer pour gagner, Mickaël. Le 3, le 13, le 5, le 2 et le 12. 3, 13, 5, 2, 12. Numéro plus gagnant, le 07, 55. Cet après-midi, c'est à Deauville que va se courir votre quintet. Ce sera le prix d'Alençon. Il y aura 16 partants, 1900 mètres à parcourir. 3 800 000 euros dans la tirelire. Un départ prévu à 15h47. Les pronostics de Pascal Maillot, il vous conseille le 4, le 7, le 11, le 5, le 12, le 15 et le 16. 4, 7, 11, 5, 12, 15, 16. En cas de non-partant, le 10. Concernant les pronostics du fouineur du Gire, partenaire Réunion Première, lui, eh bien, il vous conseille le 12, le 11, le 5, le 13, le 7, le 15, le 16 et le 3. 12, 11, 5, 13, 7, 15, 16 et 3. Donc votre quintet à Deauville cet après-midi. Le prix d'Alençon, départ prévu à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Et la bonne nouvelle aux Jeux Olympiques de Rio, c'est que Christophe Lemaître s'est qualifié pour le 200 mètres homme, la finale. La finale avec Usain Bolt aussi qui s'est qualifié brillamment. Il s'est fait siffler la dernière pas, épreuve de 200 mètres. Le public a été sympa ou pas? J'ai pas entendu. T'as pas entendu? J'ai pas entendu, mais je les suis actuellement sur Première en télévision. Voici Bébé Brune. J'irai, on s'enfumait. branchée de la station maigrier. Les flics s'est pointé, contrôle d'identité. Ah non, tenons. Je fais les ronds et je me marre en pensant à ce vieux sard et nous dansons tanné en centre. Je fais un hic et je me marre en pensant à ce condicard et nos ailes brûlées. C'était déjà en 2009, les Bébés Brunes avec Nico Tinlove. Oui. On dirait c'était hier. On va remonter encore un peu plus. Oh, en oui. 1929, un 18 août, naissait le troubadour de la chanson française. Eh oui, Hugues Auffray. Comme de nombreux artistes aujourd'hui, il fête son anniversaire. Il est l'interprète notamment de titres qui font partie désormais du patrimoine français, comme cette chanson, c'était en 1966. Oh non. Ne rougis pas. Tu as de beaux yeux. Des beaux yeux, elle a des beaux yeux toujours. Ne rougis pas. Il parle aux femmes, il sait parler aux femmes, ouais, hein, tu offrais. Eh oui, Céline, une chanson écrite à l'origine pour Claude François, qui la refuse. Non, il ne veut pas. Alors du coup, le parolier propose à Richard Anthony, qui ne veut pas non plus, d'accord. Et du coup, c'est Hugues Auffray qui va accepter cette chanson. Et cette chanson va inspirer, 2 ans plus tard, la maman de la future star internationale, Céline Dion. Exactement. Alors, à 87 ans aujourd'hui, Hugues Auffray continue ses concerts. Dans les années 60, il a été le tout premier à adapter les chansons de Bob Dylan, qu'il va d'ailleurs faire découvrir aux Français. Et donc, c'est son grand camarade, son grand copain, Bob Dylan. Il a même chanté Hugues Auffray. Oui, devant Martin Luther King, figurez-vous. C'était à Paris en 1966. Symbolique, ça. Ah oui, c'est clair. Des écoles, des salles de spectacle portent son nom. L'école Hugues Auffray, par exemple, il y en a beaucoup en métropole. Alors, il est très franc. C'est un monsieur qui, lors des interviews, il n'a pas de langue de bois. Il dit ce qu'il pense. Il n'est pas là avec ça. C'est un bon vivant. Voilà. Par exemple, il se confie de manière très libre sur sa vie privée et il précise que même s'il partage sa vie avec la même femme depuis plus de 60 ans, eh bien là, c'est actif, et notre Hugues Auffray. Ben même oui. À 87 ans, ben oui. Le monsieur, il y va. Hein. Il donne paquet, le Viagra, je ne connais pas. Je suis toujours mariée avec la même femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Dis donc, je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante. Donc c'est vrai j'ai une jeune compagne. Voilà. Du coup, voilà. J'ai choisi un peu de vitalité. C'est ça. Voilà. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille. Eh bien, mon vieux, pourvu que ça dure. Et il en faut pour chanter ses interprétations, notamment. Ouais, alors ouais. Le répertoire d'Hugo Frey, il est riche. Et parmi les chansons phares, il y a bien sûr le fameux Santiano. Une chanson qui a pour origine un chant marin anglais. Un titre qui va faire un vrai carton. C'était à sa sortie en 61. Il se classe premier de tous les hits parades. Et alors, avant d'écouter la version originale, je vous propose une reprise de 2006. On va dire que c'est un petit peu plus... Ah, Cécile Niais, Laurent Voulzy, et franchement, ça aide pas à se réveiller. Ouais, c'est ça. Non. Un petit peu plus mou, quoi. Écoutez. Un peu plus mou du genou. Fameux trois mâts, fin comme un oiseau, hissé haut. Santiano. Alors à chaque fois que Laurent Voulzy chante, j'ai l'impression que c'est son dernier souffle. Ah oui, non, mais c'est mou, hein, c'est doucement, tranquille, bon, tout ça. Même si j'aime bien Laurent Voulzy. Ah oui, non, c'est clair, mais là pour cet album, donc en 2006, il a choisi la version ultra méga tranquille. Hein, Cécile, on s'endort pas, Cécile, hein, on se réveille. Alors justement, pour vous réveiller, sinon, il y a la version Hugo Frey. Voilà. Je vous propose cet extrait. C'était en live en 2001. Le public, évidemment, chante à tout va ce titre Santiano. On peut le chanter aussi, hein. Et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit. Cécile, on ne l'entend pas, hein. Nous irons jusqu'à San Francisco. Bravo, Cécile. Voilà. Bon, cette version. Céline aussi, qui était bien. Bah oui, mais on l'a passé juste avant. Oui, vous êtes arrivé trop tard. Oui, oui, je suis arrivée après. Bon. Ça a inspiré la maman de Céline Dion, dis donc, elle cherchait un prénom. Ah bah oui, c'est ça que vous entendez. Et puis, voilà, il s'est dit, Céline, c'est beau. Et elle a eu tout à fait raison. Et à signaler que Hugo Frey... Parce que Santiano, pour une fille, ça passe moins bien. C'est pas, c'est bof, hein. C'est sûr, c'est clair. Il descend par la montagne aussi, ça le fait pas, comme prénom. Alors, à signaler que Hugo Frey est en tournée, donc à partir de novembre, avec Sheila et Gérard Lenormand. Ouais. La tournée s'appelle H tendre. Bah voilà. Bon, ça méritera le détour. Et 87 ans, par la continue les tournées, il chante, fait le tour des plateaux, donc c'est génial. Peut-être sa double vie sexuelle, tiens, qui sait. C'est peut-être ça, la clé le signe de son de la vitalité. Succès. On ne sait pas. Oui, Cécile nous regarde avec des gros yeux. Bah oui. 87 ans, toujours vert, c'est ce que je vous dise, moi. C'est comme ça. Allez, merci d'être avec nous sur la première. Il est 5h30. C'est l'heure du journal présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ils sont exploitants agricoles mais sans eau pour irriguer leurs champs. Leurs entreprises sont en danger. Cri d'alarme de plus de 15 maraîchers du tampon. La débrouille ne suffit pas. Reportage dans ce journal. La rentrée scolaire avec des enseignants qui ne veulent pas être affectés en métropole et qui ont manifesté hier au rectorat. Et des futurs enseignants en études, en alternance qui étaient réunis hier à l'université pour recevoir leur feuille de route. Attention au virus véhiculé par les moustiques. De retour de vacances, on peut potentiellement rapporter dans l'île la dengue ou encore le Zika. L'ARS préconise quelques gestes simples pour éviter cela. Et puis un café, une brioche, un peu de chaleur autour d'un petit déjeuner. L'association Nouléla à Saint-Louis démarre la journée des personnes sans abri avec un peu de douceur. Ces dernières semaines ont été bien arrosées dans le nord et surtout dans l'est de l'île. De la pluie tous les jours, et bien cela fait rêver certains agriculteurs du tampon privés d'eau pour irriguer leurs champs. 17 maraîchers demandent de l'aide à la Chambre d'agriculture car ce manque d'eau complique sérieusement leur quotidien. Pour faire pousser leurs légumes, ils utilisent de simples arrosoirs ou encore des petites citernes. Ils sont donc 17 dans ce cas. Pierre Komorasami en a rencontré quelques-uns. Jeune agriculteur installé à Piton-Hyacinthe depuis 3 ans, Rodrigue Grondin exploite un terrain de 2,5 hectares. En fait, il possède 2,5 hectares et en réalité, seule la moitié de ce terrain est travaillée, et pour cause. Parce qu'il n'a pas d'eau, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, il est très, très dur. Maintenant, on a un appareil à essence, là, comme il met dans mon 4x4, ensuite il prend une citerne, il arrose directement avec le tuyau, ou sinon il prend une arrosoir. Donc des fois, il arrose pas, des fois, il perd beaucoup. Rodrigue Grondin passe ainsi énormément de temps dans son exploitation pour pas grand-chose, dit-il. Mon chiffre d'affaires est estimé à 35 000 euros. Il doit gagner 10 000 euros par an là, donc maintenant 25 000 euros de perte, donc il fait à moi déjà près de 75 000 euros en 3 ans. Le cas de Stella Nativelle est encore plus ubuesque. Propriétaire d'une parcelle d'un hectare depuis 1 an, la jeune agricultrice n'a pas d'eau non plus. Sauf que la canalisation qui dessert ses voisins passe directement chez elle. L'eau il passe sur mon terrain, la canalisation des herbes blanches passe sur mon terrain. Il y a des grosses bornes en fer sur mon terrain. Les compteurs d'eau de mes voisins sont sur mon terrain et moi j'ai pas le droit à un compteur. À Piton-Hyacinthe, un quartier considéré comme le grenier agricole de l'île, 17 agriculteurs travaillent ainsi sans eau. Une situation selon la mairie qui ne peut plus durer. Et pour régler ce problème au plus vite, la collectivité explique qu'elle va faire appel au département compétent en matière d'eau agricole afin de trouver ensemble le moyen d'augmenter la ressource. Un reportage de Pierre Comorassami. C'était la rentrée des classes hier, le premier jour en tout cas, car les établissements échelonnent souvent l'arrivée des élèves et comme chaque année, des enseignants ont manifesté devant le rectorat. Ils étaient une dizaine, mécontents de leur affectation dans des établissements en métropole, des nominations que les intéressés trouvent injustes, car dans certaines matières, des contractuels vont être employés à La Réunion, alors que ceux qui ont réussi le concours doivent partir enseigner en métropole. Pas de réponse collective, le rectorat préfère étudier chaque cas en particulier. Francis van Delfrick, le secrétaire général de l'Académie. Là, on est vraiment sur des cas individuels qui sont encore assez nombreux, mais il est nécessaire de leur apporter une réponse individuelle. C'est-à-dire qu'il faut regarder chaque cas, leur dire s'il y a une possibilité de révision d'affectation. Donc on se renseigne auprès du ministère, leur apporter la réponse le plus rapidement possible. Parce que derrière ça, s'il n'y a pas de révision d'affectation, il faut qu'ils puissent rejoindre leur poste à la rentrée. Ça a déjà bien changé depuis quelques années, puisque avant, les affectations de stagiaires n'étaient pas révisées du tout. Donc c'était brutal. C'était un concours national, il y avait une affectation et on ne la discutait pas et on ne la révisait pas. On arrive quand même justement à une approche un peu plus humaine de nos stagiaires, donc elle n'est pas parfaite puisqu'on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, mais c'est le jeu aussi en même temps, mais il faut pouvoir peut-être étudier certaines révisions parce qu'il y a des cas humains qui n'apparaissent pas dans les dossiers et donc il faut pouvoir avoir tous les éléments de réponse. Francis van Delfrick, le secrétaire général de l'Académie, répondait à Raphaël Kahn. Eux souhaitent devenir professeurs. Les stagiaires de l'éducation nationale des premiers et second degrés ont également fait leur rentrée hier après-midi. Ils ont été accueillis à l'université où ils ont reçu leur feuille de route pour l'année scolaire. Ils étaient environ 400. Ces stagiaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation vont entamer leur deuxième année de formation en alternance. Ils partageront leur temps entre un poste dans un établissement scolaire et l'école où ils sont formés. Guillaume a 30 ans, il prépare le concours en candidat libre. Avant ça, j'ai une licence d'anglais, j'ai fait toute ma formation en droit international à l'Université de La Réunion. Après la thèse, je suis venu passer ça en candidat libre, je vais me poser un an de chômage pour préparer le concours, donc on prend les risques, hein. Mais voilà. En tant que candidat libre, ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir de repères. C'est surtout ça en fait, de ne pas être encadré. Cette année, tu es dans quel établissement ? École maternelle Les Hibiscus à Saint-Benoît. Alors que des maternelles, et je suis avec des grandes sections. Et comment s'est passée la rentrée ? Très bien, pas de pleurs, que des sourires, et que des enfants qui ont envie de revenir le lendemain à l'école. La rentrée de Guillaume, témoignage recueilli par Raphaël Kahn. Cette autre information pratique qui va intéresser notamment les étudiants du Sud, les habitants des Hauts peuvent à nouveau se rendre à Saint-Joseph ou au Tampon avec les cars jaunes de la ligne S6. Cette ligne anciennement appelée I2 et qui avait été supprimée il y a 2 ans, la desserte est à nouveau rétablie. On écoute Serge Ouarot, le maire de Petite-Île. Alors, il s'agit de la ligne qui part de Saint-Joseph, qui passe par Petite-Île, Centre-Ville, les quartiers de Ravine-du-Pont, Piton des Goyaves et ensuite direction le Tampon jusqu'à l'université. Alors, c'est une ligne qui intéresse surtout la population de Petite-Île en premier lieu, puisque c'est une population qui doit se déplacer sur Saint-Joseph ou encore sur le Tampon, et également pour les étudiants qui se rendent à l'université. Ces jeunes n'ont pas souvent la possibilité d'utiliser le transport scolaire puisqu'ils ne relèvent pas d'un lycée ou d'un collège, et la ligne car jaune va le permettre de faire la liaison depuis Saint-Joseph jusqu'au Tampon en passant par Petite-Île pour se rendre à l'université au Tampon. Serge Ouarot, le maire de Petite-Île, interrogé par Suzette Emma. 5h36 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Vous avez voyagé à l'étranger durant vos vacances. Attention à ne pas contaminer vos voisins, amis et collègues avec une maladie. Dit comme ça, c'est un peu sauvage. Mais l'Agence régionale de santé appelle à la vigilance. La dengue est actuellement très active en Inde, en Asie du Sud-Est et même aux Seychelles. Le dangereux Zika est toujours très présent dans une grande partie de l'Amérique du Sud, en Guyane, mais aussi aux Caraïbes et donc aux Antilles. Attention, donc si vous revenez de destination à risque, protégez-vous encore quelques jours des piqûres de moustiques. Olivier, le directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS. C'est toujours le même schéma, donc pour la dengue, le chikungunya, le Zika. Le risque d'introduction est lié à une personne, un voyageur, qui se serait fait piquer par un moustique dans ces zones considérées comme à risque, qui aurait donc été contaminé par l'un de ces virus, et qui ensuite reviendrait de voyage à La Réunion, portant dans son corps, dans son organisme, le virus. Des fois peut-être en le sachant parce que les signes sont là et on a clairement identifié la maladie, mais des fois aussi peut-être sans le savoir parce que des fois les symptômes ne sont pas clairement visibles ou sont peu présents et donc la personne peut penser être en bonne santé et pourtant avoir le virus dans son organisme. Olivier Reil, le directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire de l'ARS avec Antoine Garnier. Cette action humanitaire à présent à Saint-Louis, l'association Nous les Là offre tous les matins de 7h30 à 11h un petit déjeuner aux personnes sans-abri et aux personnes les plus démunies. La mairie a mis à disposition de l'association un local pour l'accueil. Reportage Suzette Emma. Je souhaiterais que tous les SDF viennent. Une invitation que lance l'association Nous les Là. Tous les matins, il est proposé aux sans-abri et aux plus démunis un café, un chocolat et des tartines. Un soutien pour Gilbert, cinquantenaire, et dans la rue depuis 4 ans. 4 ans, je vis que des échecs. Je suis RSA, qui ne dure pas longtemps. Ça vous fait chaud au cœur de venir ici ? Ah, tout à fait, tout à fait. On a besoin de ça. Pour nous, c'est important, pour nous qui sommes à la rue, parce que vu la misère qui règne. Vous avez pris quoi, là ? Ben, du café. Tout à l'heure, je suis passé, on m'a offert une petite brioche. Si un matin vous passez par là, vous pouvez toujours vous arrêter, vous vous restaurer. Nous devons aider les uns les autres, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que pense Jean-Max, bénévole à l'association Nous les Là. Il sert le petit déjeuner et fait la causette à ses hôtes d'un jour. Souvent, nous, on les voit sur la route, ils n'ont rien. Et tout le monde les met de côté. On veut faire ce geste-là, comme ça, tous les matins, ils ont quelque chose sur l'estomac. Pour ces petits goûters solidaires, les bénévoles de l'association font des collectes dans les magasins et la mairie de Saint-Louis leur a mis à disposition le local où tous sont accueillis chaleureusement. Un reportage de Suzette Emma. Bon petit déjeuner. Un mot des JO à Rio avant de refermer ce journal. Ça roule pour les handballeurs français en demi-finale après leur large victoire hier face au Brésil. Nous entendrons Daniel Narcisse dans le journal de 6 heures. En revanche, c'est fini pour Cindy Billot, éliminée en demi-finale du 100 mètres haies. 13 secondes et 3 centièmes insuffisants pour passer en finale. Mais la réunionnaise garde le sourire. Johnny Lérivain a fait un selfie avec elle et je l'ai vu sur Facebook. Ils sont souriants tous les deux. Et puis Christophe Lemaître qui vient de se qualifier pour la finale du 200 mètres. C'est vraiment une bonne performance car l'Américain Justin Gatlin est lui éliminé. Bon, Lemaître en finale et pas Gatlin, c'est pas mal. Ça sera Usain Bolt. Hein, et oui, avec Usain Bolt. Lui a réussi à se qualifier. Ouais. Oui. C'est bizarre. C'est une partie de plaisir. Bon. Merci Cécile. Merci. 5h40 sur la première fois, un point météo tout de suite. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et ce matin, au réveil, on a sa petite laine, son gros pull, 5 degrés à la plaine, 17 du côté de Saint-Pierre. Il fait encore frais, voire bien froid, dans le sud notamment. Je peux vous donner d'autres exemples, à 7 à Cilaos, 12 au Tampon et à peine 8 degrés dans les hauteurs de Saint-Joseph, notamment vers Grand Coude. Couvrez-vous. Ce matin, c'est un petit peu plus doux dans le nord, avec une vingtaine de degrés sur Saint-Denis et Sainte-Suzanne. Mais d'une manière générale, eh bien encore ce matin, on se réveille avec des fraîcheurs matinales. Le temps est plus couvert à l'est et même sur le sud sauvage, entre Petite-Île et la région de Sainte-Marie, avec quelques averses qui pourraient tomber encore en tout début de matinée. Pour l'instant, il ne pleut plus sur cette partie du département, alors que de l'autre côté, le ciel est dégagé. C'est pour ça aussi que le rayonnement nocturne a été important et que les températures sont basses. Du coup, ce matin, on attend que le soleil réchauffe l'atmosphère. Il mettra du temps, mais l'après-midi, on aura des températures maximales qui s'échelonneront entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Il fera 24 degrés à Saint-Pierre et 27 sur Saint-Gilles. Dans l'intérieur, ça sera toujours un peu plus frais, avec à peine 12 degrés au volcan, 18 du côté de la plaine des Cafres et 22 degrés attendus au Tampon. Toujours du vent qui rafraîchit aussi l'atmosphère, mais qui est en baisse quand même au niveau de son intensité par rapport à hier. À peine 50 km/h sur le nord et le sud, mais il faudra quand même faire avec encore pour cette journée de jeudi. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et on salue Marius. Oh, coucou Marius. Qui est avec nous sur le 70-2000 Avenir, le marché forain. Exactement, avec Prisca du côté de Brapanon ce matin. Et avant 6h, on vous fait gagner les premiers cadeaux de la journée, notamment pour ce concert exceptionnel, Enfants Zilou avec l'Indigo et Désiré François, le 7 octobre prochain. Que l'amour ne les aime pas. Tu pensais être tombé amoureux, t'es tombé dans une impasse. Moi si tu vois mon cœur passer, dis-lui que je lui parlais en face. C'est vrai que j'aurais pu tout claquer, même si le bonheur ne s'achète pas. J'ai dû remballer, je m'étais emballé et mis en galère, elle m'a rencardé. On m'a retardé, je suis pas venu à l'heure, elle m'a recalé. Mais ai-je besoin d'elle? Où

Et nous sommes en train de faire la causette avec Christelle et Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va Jean-Luc? De quoi ça? Mais Jean-Luc, non mais ils m'ont fait une blague là ce matin, Jean-Luc et Christelle. Alors quand j'arrive à côté de lui, Jean-Luc il commence à courir. Il est de l'autre côté. Allez, comment ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour Christelle. Votre premier garçon, parce qu'on était en train de parler aussi de la rentrée de Raphaël. Raphaël, c'est le petit garçon de Christelle. Il promet apparemment, hein? Oui, il promet. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous tout, racontez-nous ces petites bêtises. Où est où, là, Raphaël, au fait? Il est à la maison. Ouais. Il dort. Alors, il a fait quoi pour son premier jour d'entrée? Il s'est fait un petit peu remarquer, on dirait, non? Ouais, il est très autorité avec le prof. Aïe. Donc, elle a déjà été convoquée, hein, madame Christelle. Ça commence bien. Ça promet pour la suite. Alors, Jismi, parce que ici, on travaille en équipe, hein, n'est-ce pas, Christelle? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Jismi? Parce qu'on ne fait pas rien, là, en ce moment-là? Non. Non, je... c'est bon? Non. Vous attendez les clients? Ouais. Bon, Jismi, combien de salades vous avez mis sur la table, là, ce matin? Bonjour. Bonjour, beaucoup. Oui. Alors il y a quoi comme variété là? Parce que moi je m'y perds, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître les salades lorsque vous allez sur les marchés, Isabelle et Mika, parce qu'il y a la Batavia. Oui, ça me connaît. Vous avez quoi d'autre? Les Batavia blanches, rouges, les feuilles de chêne, sucrines. Ça commence à être compliqué là. La sucrine, on va s'arrêter sur cette petite salade. Vous avez déjà goûté à la sucrine les amis? Oui, sûrement. Oui. Ah, excellent. Tu ne la reconnais pas. Voilà, c'est ça. Vous arrivez à la reconnaître? Comment on fait pour reconnaître la sucrine d'une Batavia, Jismi? Ben, la sucrine est légèrement plus petite. Elle est paumée, hein? Mais elle est plus paumée. Mm-hmm. Elle est comme un chou, en fait. Et il y en a, là, en ce moment, puisque j'ai entendu Christelle, c'est la pointe. Si, il y en a. Ah, il y en a, d'accord. Et c'est quoi la nouveauté de cette année? Parce qu'il faut rappeler que Jismi, il reprend en fait le travail de son père, hein, c'est ça? Vous avez quel âge, Jismi? Allez, dites-nous tout. 18 ans. À 18 ans, vous avez décidé de vous lancer dans cette filière. Et vous êtes en train de tester quoi? Rappelez-nous. Les cultures en sol. Oui, c'est quoi ça, les cultures en sol? Ben, c'est des compléments de nutriments qui arrivent à la plante, au duodome. Ah, d'accord. Bon, allez, on revient à notre sucrine. Elle coûte le même prix que la Batavia? Oui. Un euro. Un euro. C'est combien, Jismi? 80 centimes. Ah, bon, encore moins cher. On va finir la semaine à 50 centimes. Et si on en prend 3, on a la quatrième feuille de salade offerte. Ah bah super. C'est pas... Alors... la feuille. C'est Prisca qui fait les bris en fait. Ouais, qu'est-ce que ça sent là? Ça sent la menthe, hein, c'est ça? Oui, de la menthe. De la menthe. Je sais pas si vous sentez ça. Il y a non, plein on sent de pas, condiments. Non. Ça va être dur hein, quand même. Il y a plein de condiments. Il y a aussi du coton mili, du persil et des oignons verts et du basilic pour parfumer vos petits plats aujourd'hui les amis. Merci Prisca. Alors ce qui est bien, c'est que Prisca, elle prépare déjà la cuisine du week-end. Hein. Ben il a raison. Voilà. C'est elle qui fait le cours de la salade, hein, la bouse. C'est ça. Sacré Prisca. À tout à l'heure Prisca. Allez, bisous. Et merci à Jean-Luc et bye Christelle. Bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et on va jouer maintenant. Parce qu'on n'est plus tout seul à cette heure-ci dans le studio. Il y a DJ Fou. DJ Fou est de retour. Ouais. Ouais, monsieur DJ. Ça va, DJ Fou? J'ai l'impression que tu as passé une mauvaise soirée quand même hier. Hein. Il mixe, ça, c'est ça, son truc. Il n'arrive pas à parler. Non, en fait. Il mixe. Il est son timide. Truc, c'est la musique. Quoi, il est timide, notre DJ Fou. Alors, comme chaque matin, on n'a rien fait. Merci. Le DJ Fou vous a mixé le titre. À vous de trouver soit le titre, justement. Soit l'artiste. Tout simplement, ça se passe chante. Au 02 62 99 2000. Attention, il y a deux extraits, donc il nous faut deux bonnes réponses. C'est maintenant qu'il faut appeler 02 62 99 2000 pour repartir avec vos deux invitations pour Enfants Zilois, le concert événement avec Réunion Première, l'Indigo Désiré François sur la scène du Petit Stade de l'Est. Et les toutes premières places sont à gagner ici, sur Première, à condition de trouver ce petit mix. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Ça devrait aller normalement. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Alors là, franchement. C'est un peu la réponse, quoi. Good. Oh. C'est moi le boss des mixeurs. Ça va, tu t'es pas foulé, hein. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Facile. Bon, c'est très simple. Oh, c'est facile. Très simple. Alors, on accueille le premier ou la première au standard. Allez hop, à la volée. Oui. je choisis cette ligne. Eh ben vas-y, appuie dessus. Voilà, j'appuie. Qu'y a-t-il sur cette ligne? Ou qui? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Graziella. Graziella, faut couper la radio par contre. Ouais, hein. Juste un petit peu. Un petit moment, coupe voilà, la radio. Éteins la radio. Parfait, Graziella. Là, ça, c'est bon. C'est fait. Graziella, vous faites quoi dans la vie? Alors, je travaille dans l'hôpital, en fait. Dans les hôpitaux, très bien. Vous êtes aide-soignante ou autre? Infirmière. Eh ben, très bien. Voilà, donc vous avez travaillé très tôt, hein, comme beaucoup d'infirmiers et d'infirmières de La Réunion. Ça, c'est clair. Voilà. Graziella, on vous a passé deux titres. Mm-hmm. Vous avez reconnu? Alors, le premier, je vous avoue que j'ai pas forcément compris quoi. C'était Caroline. Caroline, le premier. Caroline, qui c'est qui chante ça? Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Caroline. D'accord. Et le deuxième, okay. Carmel, bien. Oui, enfin, elle a toujours pas dit c'était quoi. Elle n'est pas là avec ça. Elle a trouvé look good. Le premier. Voilà. J'ai trouvé look good. C'est donc déjà pas mal. Que j'ai quand même droit. Ouais, mais ça, c'est facile, Graziella. Ça, c'est facile. Mais l'as de trèfle qui pique ton cœur, ancien petit ami de Ophélie Winter. Ah oui, OT. Ah, MC. Ouais, comment MC il s'appelle? MC. MC comment? MC. Un petit cœur. Non, MC, pas MT. Un petit cœur. Bon, c'est pas grave. En fait, c'était allez. MC Solar, Graziella. Oui. MC Solar, ok, d'accord. Vous connaissez Graziella quand même, MC Solar? Oui, je connais un peu. Ah, bon, ça va. Bon, allez, on va dire que c'est gagné. Ouais, Graziella, elle est bon. Parce qu'on est gentil. Raffole pas, Graziella. Allez, Graziella, vous repartez avec vos deux invitations pour ce concert-événement. Enfants Illois, ça sera le 7 octobre prochain. Mm-hmm. Avec l'Indigo, Désiré François sur la scène du petit stade de l'Est. Et vous avez les premières places, hein, parce qu'elles sont offertes nulle part ailleurs. Ah ben non, eh oui. Et elles sont pour vous. Merci. C'est pour vous. Ok. Graziella. Bisous, Graziella. Merci à vous. Radio. Allez. Réunion première. À très salut, bientôt. Graziella. Au revoir. Bye bye. Bonne journée, bonne rentrée à tous. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Lachimi Hadji Marouf dit Tilout. Lachimi Hadji Marouf dit Tilouf. Tilout, décès survenu le 3 août à Maurice à l'âge de 39 ans. La veillée se tient au 72 bis chemin Aniquilon à Piton-Saint-Leu. La cérémonie tamoule aura lieu aujourd'hui à 14h à cette même adresse, suivie de l'inhumation au cimetière de Piton-Saint-Leu. Décès de monsieur Dijou Théo Henry. Monsieur Dijou Théo Henry. Le décès survenu hier à l'âge de 85 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui à 15h30 du numéro 6, chemin des Acacias au PK17 à la plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du 23e, suivie de l'inhumation cimetière du même lieu. Décès de madame Adrien, née Admet Eliane. Madame Adrien, née Admet Eliane. Le décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au numéro 31. Chemin Admet à la Saline Léo. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Dijou Jean-Élie. Monsieur Dijou Jean-Élie. Le décès est survenu lundi à l'âge de 48 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui 13h30 du centre funéraire sud. La bénédiction aura lieu à 14h en l'église de la Ravine des Cabris, suivie de l'inhumation au cimetière de la Ravine des Cabris. Décès de Madame Prunière, née Saint-Sauveur, Ruffine-Thérèse. Madame Prunière, née Saint-Sauveur, Ruffine-Thérèse. Le décès est survenu hier à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui à 9h30 du numéro 98, chemin du Grand Tampon-Tampon. La bénédiction aura lieu à 10h en l'église du Tampon, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Gédéas Félix. Monsieur Gédéas Félix dit Tartot. Le décès survenu hier à l'âge de 69 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui 14h du numéro 158, avenue Pasteur au Gol à Saint-Louis. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Padre Joseph. Monsieur Padre Joseph. Le décès est survenu mardi à l'âge de 90 ans. La veillée se tient à la chapelle ardente du Tampon. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité. Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Et Mickaël, quelques communiqués pour ce jeudi. Avec des coupures d'eau à prévoir de 8h à 14h sur les secteurs suivants de Salazie, Saint-Benoît, plutôt, excusez-moi, chemin Vidotte, ainsi que toutes les voies adjacentes. La commune du Tampon est concernée par les coupures d'eau, distribution en eau perturbée, voire interrompue sur la RD36, chemin de la Chapelle, chemin de la Bergerie, et toutes les voies adjacentes. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Coupure d'eau ou perturbation, en tout cas dans la distribution, ce jeudi à partir de 8h à Petit Tampon, partie basse, ruelle Bois-Noir, et toutes les voies adjacentes. Et là encore, la remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Coupure d'électricité prévue sur une partie des chemins, impasse, route et rue que je vais vous citer maintenant. Chemin des Hortensias, impasse du Bois d'Olive, chemin Philogène, impasse Jules Cologon, chemin des Épices, rue Michel Debray, route départementale 52, Marat Citron et rue Annette de la Serve. C'est à Salazie de 9h à 15h. À Saint-Paul de 8h30 à 15h, rue des Scalaires, Saint-Gilles-les-Bains. En partie là, vous serez coupé aussi au niveau de l'électricité. Puis la ruelle Roux est concernée en partie à Saint-André de 9h30 à 16h. La Cité du Levant, chemin Jacques Belair, rue Louis Warreau, impasse Jules Vitry, rue Jacques Belair, impasse Noël Narayanin, Sente des Marguerites et Sentier des Cerises à Sainte-Suzanne de 9h30 à 16h. Et avant 6h, et le journal de Florent Marot, vous nous envoyez vos messages sur 79 000 et on écoute Chic Taille. La Piscitole. La Piscitole qui a chanté l'amour. Doudou pour qui ou pas la gueule, y'a moins serré, moins y'a envie de pleurer. Ainsi qu'on a vu en moi, l'amour passé par arrêté. Il était belle comme arc-en-ciel, mais bon coup, les pattes faites pour moi. Bon Dieu, vous qui en ciel là, divisé longueur à peine. S'applique des voilà, fait des bords de l'eau à guerre en moi. Caresse un tout doulet, la pluie qui a tombé, coloré à conscient la vie en moi. Quand tellement content, content qu'on pipi vite, qui posait si blanche pour parler de l'amour. Écouter ça des heures, danser dessus comme Florent le fait actuellement. Oui. Mais là, il a trompé, Lila, il pleut pas là, dans ses yeux aussi, hein. Il pleut pas du tout là. Non. Il pleut pas, il réveille. 6 heures sur la première. C'est l'heure du journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Premier jour d'école et premier couac, une dizaine d'enseignants ont manifesté hier devant le rectorat. Ils protestent contre leur nomination dans des établissements de l'Hexagone. Où en est ce dossier ? Réponse dans un instant. On parlera également emploi avec la signature hier d'une convention cadre entre la Chambre de commerce et Pôle emploi. Les deux structures misent notamment sur l'apprentissage. Offrir un petit déjeuner aux plus démunis, c'est la mission que s'est donnée l'association Nous les Là. Ça se passe à Saint-Louis, dans un local mis à disposition par la mairie. Et puis en sport, journée mitigée hier pour la France aux Jeux Olympiques. L'aventure continue pour Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores. Elle s'est finie en revanche pour la réunionnaise Cindy Billot, éliminée du 100 mètres haies. C'est tous les ans la même incompréhension, la même colère des enseignants réunionnais qui voudraient travailler dans l'île, sont nommés dans l'Hexagone. Hier, à l'occasion de la rentrée scolaire, une dizaine de jeunes enseignants ont une nouvelle fois manifesté devant le rectorat. Ils sont soutenus par le SNALC, notamment, qui affirme que les dossiers seront examinés au cas par cas. Tous les ans, l'éducation nationale tente de résoudre ce problème et la pénurie de vocations dans l'Hexagone risque de ne pas arranger les choses. Gaël Le Dantec. Rien n'est simple dans ce dossier. dossier où se mêlent des règles nationales et des détresses individuelles, des revendications politiques et des budgets contraints. Quand les futurs enseignants passent le concours, ils savent qu'ils peuvent être envoyés n'importe où sur le territoire national, mais certains souhaitent rester enseigner ici ou espèrent pouvoir y revenir après quelques années dans l'Hexagone. Pour cela, ils peuvent compter sur 1000 points qui leur assurent d'être prioritaires, mais à une condition: qu'il y ait des postes vacants. Le ministère explique donc à ceux qui doivent partir qu'on n'a pas besoin d'eux ici, mais plutôt dans la région parisienne. Et si dans certaines matières, des contractuels sont employés, alors que ceux qui ont réussi le concours sont eux contraints de partir à 10 000 km, c'est parce que le budget ne permet pas d'ouvrir ces postes au recrutement, explique le ministère, qui doit composer avec une pénurie encore plus grande d'enseignants dans la région parisienne. Comme chaque année, syndicats et directions vont examiner des cas individuels, des situations familiales parfois très difficiles, sans entrer dans le débat de la préférence régionale, en espérant que les 60 000 postes d'enseignants promis par François Hollande donnent un peu de marge de manœuvre. Et c'est ce qu'espèrent également les professeurs stagiaires de l'éducation nationale. Eux aussi ont fait leur rentrée hier. Environ 400 jeunes enseignants se sont retrouvés à l'université pour récupérer leur feuille de route. Ces stagiaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation vont entamer leur deuxième année de formation en alternance à l'ESPE et le reste du temps dans un établissement scolaire. Et pour Frédéric Tupin, le directeur de l'ESPE Réunion, la promotion 2016 est excellente. Un excellent cru. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le concours professeur des écoles, il y a 180 places, il y a 75% des étudiants qui ont été formés par l'ESPE. Donc ça veut dire que le gros bataillon de ceux qui ont réussi le concours professeur des écoles, ils ont été formés par notre institution. Comme l'ESPE entame sa quatrième année, le système est rodé, les améliorations ont été apportées, et donc on est plus performant qu'au moment de l'ouverture de l'ESPE en 2013. Nous sommes d'ailleurs le concours de professeur des écoles le plus sélectif de France. Pourquoi le plus sélectif de France ? Parce que c'est là où il y a le plus de candidats par rapport au nombre de places. Autrement dit, devenir professeur des écoles à La Réunion, c'est une sacrée promotion et c'est un concours difficile. Frédéric Tupin, le directeur de l'ESPE Réunion, interrogé par Nadine Bachelot. Et certains de ces professeurs sont peut-être en poste à la plaine des Cafres, pourquoi pas, là-bas, pour lutter contre le froid. La mairie a installé 87 pompes à chaleur, finit donc les vieux poêles à bois. Un changement radical, surtout que le thermomètre ne dépasse pas les 10 degrés en ce moment le matin. Coût de l'opération tout de même 137 000 euros. Direction maintenant la petite île où les usagers du réseau Carjaune peuvent à nouveau emprunter la ligne de bus qui dessert le Tampon et Saint-Joseph. Une bonne nouvelle pour les étudiants qui vont bientôt faire leur rentrée eux aussi à l'université du Tampon. Hier, plusieurs élus de petite île ont pris le bus à partir de Saint-Joseph pour aller au Tampon. Justement, objectif, vérifier le bon fonctionnement de la ligne. Le maire de la ville, Serge Waro, était dans le bus. Deux jeunes étudiantes ont pris le bus avec nous à 5h55 à Saint-Joseph, à la gare de Saint-Joseph. Nous avons pu également prendre des jeunes qui se rendaient à la maison familiale rurale du Tampon au niveau de l'église de Petite-Île. Et sur le trajet, comme ça, on a pu effectivement prendre quelques passagers. Et au retour également, puisque là, c'est la population de Petite-Île qui se rend à Saint-Joseph pour faire des démarches administratives au niveau du pôle emploi, des ACDIC, encore de la CAF, qui ont donc emprunté cette ligne S6 pour se rendre à Saint-Joseph. Serge Waro, le maire de Petite-Île, au micro Réunion Première de Suzette Emma. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Eux aussi ont fait leur rentrée hier, les stagiaires de la LM Academy. Il s'agit d'un centre de formation au sein de la société LM, spécialisée dans la distribution de fruits et légumes. Dans ses locaux transitent 20 000 tonnes par an, 10 000 sont produites à La Réunion. La société a donc décidé de former ses vendeurs. Et puisque l'on parle emploi, voilà une nouvelle arme pour lutter contre le chômage. La Chambre de Commerce et Pôle Emploi ont signé hier une convention cadre. La chambre consulaire est convaincue que l'une des réponses pour la création d'emplois durables passe par une dynamique du monde économique et des entreprises. Et ce partenariat va donc renforcer les liens entre les deux organismes. Au total, 4 axes ont été dégagés. Les précisions de Michel Zvieton, le directeur régional de Pôle emploi. Le premier, c'est le développement de l'apprentissage. C'est une voie importante pour l'orientation et pour l'insertion des jeunes réunionnais. C'est une voie d'excellence. Il s'agit de la rebooster et d'en faire la promotion. Deuxième élément, c'est la création et la reprise d'entreprise. Il y a une belle énergie à La Réunion. Le taux de création dans l'entreprise est important, sachant que Pôle emploi est un financeur extrêmement important de la création d'entreprise. Un des premiers financeurs en France, hein, je rappelle qu'à La Réunion, par exemple, depuis le début de l'année, on a distribué environ 9 millions d'aides, juste Pôle emploi, hein, pour la création d'entreprise, pour des demandeurs d'emploi. La Chambre de commerce a un rôle extrêmement important par rapport à la création d'entreprise, donc il était assez normal qu'on s'associe. Ensuite, il y a deux autres axes. Le premier, c'est l'échange d'informations, c'est classique dans une convention. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui concerne la promotion et la communication afin d'aider à la mise en place de relations entre les deux. On est sur un environnement qui est porteur, c'est le moment ou jamais de se battre ensemble. Michel Svieton, directeur régional de Pôle emploi, au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. 6 mois de prison ferme, c'est la peine prononcée hier à l'encontre d'un jeune portois de 19 ans. Il avait participé dimanche dernier à l'agression d'un vendeur de poulets dans la cité portuaire. Il pourra finalement se rendre dans l'Hexagone. L'écrivain comorien Ali Zamir a finalement obtenu son visa. Auteur d'Anguille sous roche, Ali Zamir, 27 ans, est sélectionné pour plusieurs prix littéraires, dont le prix du roman FNAC. On va à Saint-Louis maintenant pour cette opération Solidarité. En ce moment, l'association Noulela offre tous les matins de 7h30 à 11h un petit déjeuner aux personnes les plus démunies. L'idée est d'apporter un peu de chaleur et de réconfort à ces personnes dans le besoin. La mairie participe. Elle a mis à disposition de l'association un local pour l'accueil des sans-abri. Suzette Emma est allée sur place. Je souhaiterais que tous les SDF viennent. Une invitation que lance l'association Noulela. Tous les matins, il est proposé aux sans-abri et aux plus démunis un café, un chocolat et des tartines. Un soutien pour Gilbert, cinquantenaire, et dans la rue depuis 4 ans. 4 ans, je vis que des échecs. Je suis RSA, qui dure pas longtemps. Ça vous fait chaud au cœur de venir ici ? Ah, tout à fait, tout à fait. On a besoin de ça. Pour nous, c'est important, pour nous qui sommes à la rue, parce que vu la misère qui règne. Vous avez pris quoi, là ? Ben, du café. Tout à l'heure, je suis passé, on m'a offert une petite brioche. Si un matin vous passez par là, vous pouvez toujours vous arrêter, vous vous restaurer. Nous devons aider les uns les autres, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que pense Jean-Max, bénévole à l'association Noulela. Il sert le petit déjeuner et fait la causette à ses hôtes d'un jour. Souvent, nous, on les voit sur la route, ils n'ont rien. Et tout le monde les met de côté. On veut faire ça, comme ça, tous les matins, ils ont quelque chose sur l'estomac. Pour ces petits goûters solidaires, les bénévoles de l'association font des collectes dans les magasins et la mairie de Saint-Louis leur a mis à disposition le local où tous sont accueillis chaleureusement. Et c'est donc tous les matins à Saint-Louis de 7h30 à 11h. On passe au sport avec les Jeux Olympiques de Rio. Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores sont en demi-finale. Les Bleus ont battu le Brésil hier en quart, 34 à 27. Vendredi, l'équipe de France de hand rencontrera l'Allemagne en demi-finale. Fin de l'aventure en revanche pour l'équipe de France de basket, éliminée hier par l'Espagne en quart de finale. La réunionnaise Cindy Billot a également été sortie du 100 mètres et. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et on commence ce matin avec le trafic ferroviaire. Le trafic ferroviaire toujours interrompu entre Nîmes et Montpellier. Ce matin, hier, un violent orage dans les roues a provoqué un grave accident de TER près de Montpellier. 9 personnes ont été blessées, dont une très gravement, éjectée du train qui a percuté à plus de 120 km/h un arbre tombé sur les voies vers Saint-Aunès. Ces jours ne seraient plus en danger. Plus de 200 personnes étaient à bord au moment de l'accident. Et cet orage accompagné de grêle a endommagé 1000 hectares de culture, selon France Bleu Hérault. Des vignes du Pic Saint-Loup sont également concernées à 3 semaines des vendanges. Le Premier ministre Manuel Valls dit comprendre l'interdiction du port du burkini dans certaines communes françaises, mais il ne légiférera pas sur la question. Ce maillot de bain intégral, porté notamment par certaines femmes musulmanes sur les plages, est désormais interdit dans 8 communes, avec hier des arrêtés pris à Leucate dans l'Aude et à Cap-d'Aille, près de Monaco. Interdiction également prise à Cisco, en Corse, après la rixe de samedi sur la plage, qui a fait 5 blessés. Les 5 hommes qui étaient en garde à vue passeront en comparution immédiate cet après-midi pour violence. Les 2 habitants du village comparaîtront libres. Ils ont été relâchés dans la soirée. Les 3 membres de la famille sont restés en garde à vue. Selon le procureur de la République de Bastia, cette famille d'origine maghrébine a déclenché des incidents en voulant s'approprier, privatiser la plage selon ses termes. En revanche, donc, pas de burkini comme indiqué par des témoins. Toujours Cisco, mais cette fois l'entreprise Cisco Systems a confirmé la suppression de 5500 postes dans le monde, soit 7% de ses effectifs. La presse américaine parlait jusqu'ici d'un plan de restructuration qui touchant jusqu'à 14 000 emplois. Cela débutera en 2017. Un coup de pouce pour 2 800 000 familles. L'allocation de rentrée scolaire tombe aujourd'hui. Cette allocation sous condition de ressources est stable pour la 2e année consécutive, entre 360 et 396 euros selon l'âge des enfants. Blue Cut Fire, c'est l'incendie qui a déjà ravagé 12 000 hectares en 24 heures à 1 heure de Los Angeles dans la forêt de San Bernardino. Plus de 80 000 personnes doivent être évacuées. L'autoroute entre Los Angeles et Las Vegas a dû être fermée. L'état d'urgence promulgué. Pendant ce temps, les scientifiques du gouvernement américain l'affirment. Le mois de juillet a été le plus chaud depuis le début des relevés de température. C'est-à-dire il y a 137 ans, c'est également le 15e relevé mensuel de suite qui bat des records. Nous sommes pour l'instant à 31 médailles françaises aux Jeux Olympiques de Rio. Dans la journée, les cavaliers de l'équipe de France ont décroché l'or au saut d'obstacle, une première depuis 40 ans. Également, une médaille de bronze tardive en athlétisme pour Mayedine Mekissi en 3000 mètres steeple. Le Kenyan Ezekiel Kambwa a été disqualifié après avoir coupé un virage. En revanche, pas de médaille pour Yasmina Aziz, battue en petite finale de taekwondo par son adversaire d'Azerbaïdjan. La France est 6e du classement. Également, Christophe Lemaître qualifié pour les finales du 200 mètres en athlétisme comme Usain Bolt sans difficulté. Un joli petit lapsus. Ouais, je conseille de mettre le slip aujourd'hui. Bon. 6h12 sur la première. Météo vous est présenté par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh oui, les grands matins pour tout le monde. La Langimaille, Michael. Mais dans le ciel, pas de changement par rapport à hier. Oh oui, c'est pour ça, moi, je me cadre pas. Hein. Jamais. On me cadre jamais, juste un peu. Alors, dans le ciel, ça bouge pas beaucoup alors par rapport à hier mercredi. Vous allez mettre le slip, mais aussi la veste et peut-être le pull aussi. Notamment sur les hauts de l'île, parce que ce matin, il fait frais sur la plaine de Cafre, à peine 5 degrés actuellement. 7 au Maïdo, tout comme à Sillaos, 12 au Tampon. Vous réveillez avec 17 degrés du côté de Saint-Pierre. Heureusement que quand le soleil va se lever, c'est-à-dire dans une petite demi-heure, le thermomètre va pouvoir remonter, puisque le soleil est bien présent sur l'ouest et le sud de l'île. De l'autre côté, dans l'est, c'est un petit peu plus nuageux, comme les derniers jours, de Petite-Île, en passant par Saint-Roch jusqu'à Sainte-Marie. C'est un peu plus gris, avec pourquoi pas une ou deux gouttes possibles en début de matinée. Les éclaircies vont venir, elles seront moins présentes tout de même sur le volcan et les plaines où la grisaille sera tenace. Une grisaille qui va s'étendre à tous les hauts cet après-midi, notamment aux hauteurs de l'ouest, entre la Possession et Trois-Bassins, et pourquoi pas déborder vers le secteur de la Possession. Le littoral conservera de belles éclaircies à la faveur du vent, 50 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis, et des températures donc maximales qui atteindront 27 degrés à Saint-Gilles. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on fait un point sur le trafic avec Jean-Claude Machir qui est à Saint-Leu. Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Coucou. Jean-Claude. Coucou Jean-Claude. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, heureux de vous retrouver ce matin. Belle matinée qui s'annonce en tout cas, côté circulation, le temps plutôt agréable, une très très belle lune sur la mer du côté de Saint-Leu qui vous éclaire, permettant de profiter de cette circulation qui reste très agréable sur l'ensemble du réseau routier, à l'exception, et comme d'habitude, nous sommes déjà ralentis à la hauteur du viaduc de Saint-Paul en direction de Saint-Denis. Du côté de l'est, temps plutôt gris, chaussée sèche par contre pour venir sur Saint-Denis. Saint-André, ça roule. Du côté de la Ravine des Chèvres, Sainte-Marie, pas de difficulté particulière. Ce n'est un temps plutôt agréable et une chaussée plutôt libre. Beaucoup de monde aussi dans le sud, mais la circulation reste encore fluide, même si elle est très dense en direction de Saint-Pierre. Pas de ralentissement pour l'instant sur le pont de la rivière d'abord, et boulevard Banks reste encore dégagé. Alors soyez prudents et patients, et bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude. Tous les quarts d'heure, on retrouve Jean-Claude maintenant, ça y est, c'est fait. On est paré pour vous accompagner sur les routes après une petite heure, voire un peu plus de réveil. Mm-hmm. Vous avez pris votre petit déjeuner, peut-être, Alors on l'espère, si vous avez pris votre petit déjeuner, que vous avez fait la petite photo qui va avec. Pourquoi une petite photo de son petit déjeuner? Parce que ça peut vous rapporter des cadeaux. Dans Grand Matin, vous prenez la photo de votre petit déj, avec ce qu'il contient, café, banane, boudin, morceau de la viande, ce que vous voulez, le réchauffer. Vous postez ça sur la page de Grand Matin, à la clé, tout à l'heure. Deux invitations pour aller au cinéma. Et demain, grand tirage au sort pour tous les participants depuis lundi. À la clé, peut-être pour vous, une nuit d'hôtel pour deux dans un hôtel du Sud. Donc continuez de liker page Facebook Grand Matin et sur les routes, à la case, où que vous soyez, peut-être dans votre lit. On va vous accompagner encore tout début de matinée jusqu'à 8h. On ira faire quoi avant 6h30? Bien, on ira sur le marché. Et puis dans un instant, et d'ailleurs dès maintenant, les fruits et légumes. Les fruits et légumes, vous aimez? Oui. Peut-être pas, mais enfin en tout cas, 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'on nous dit, il faut manger. Faut les manger. Et bien nous, on vous donne la possibilité de le faire assez facilement et en plus gratuitement, puisqu'on vous offre un bon de 20€. C'est ça. À valoir chez Espace Fraîcheur. Alors comment on fait? Eh bien on appelle tout de suite le 99 2000 et c'est ensuite, avec votre bon, eh bien vous mettrez ce que vous voulez dans votre panier, 5 fruits, 5 légumes, voire beaucoup plus. Voilà, on vous donne le bon, après vous vous débrouillez comme des grands. 02 62 99 2000. On appelle? Ben allez. Oui. Allez hop. On attend. Pop, pop, pop. Christophe Maé, dingue dingue dingue sur Première. Dans Grand Matin, bon réveil, bonne rentrée. Je sais qu'on ne revient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires, je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors laisse-moi faire et laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire. La chance que j'ai, ce que t'aimes pas, je les verrai plus. Tu verras que cette fois-ci je changerai, même si tu m'as jamais vraiment cru. J'ai trop le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdus. Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est foutu. Alors laisse-moi faire, laisse-moi faire, et laisse-moi faire. Oh non. De la compagnie Le Roi Soleil, mais enfin depuis il a fait une belle carrière solo. Tu m'étonnes, il a vendu plus de disques de Johnny Hallyday, vous imaginez un petit peu. Il est revenu avec son dernier avec titre. Avec son premier album, hein, oui. Tout au long de sa carrière, pas déconner non plus. Hein. Son dernier titre est aussi bien connu de tout le monde. Il est où le bonheur ? Il est où ? Extrait de l'album La Trappe Rêve. Et là c'était dingue, Christophe Maé sur Première. On revient tout de suite. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50. 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Allez, qui veut gagner ses fruits et légumes ce matin? Qui veut aller faire son petit marché à Espace Fraîcheur? Oh, je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de monde, dis donc. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Tu m'étonnes. Et notamment, on va à Tonrouge, à Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul, rejoindre Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Salut Jocelyn. Bonjour. Comment il est? Ça va? Ça s'entend. Oui. Bien réveillé? Ben oui, toujours, comme ça. Debout depuis quelle heure, Jocelyn? Oh, depuis au moins 5h, moi, je suis debout. Ben elle est bonne. Même bien rester à la case. Ah, donc, ben on avait raison, Jocelyn. Vous êtes réveillé avec nous, du coup, depuis 5h. Ben oui. Ben oui, ça c'est important, et nous, ça nous fait plaisir. En plus, Jocelyn, le petit déjeuner est pris, ça y est? Fini? Et, oui, ça y est. Qu'est-ce qu'on a pris au petit déjeuner? Ah, moi, toujours café le matin, c'est tout. Café, c'est tout. Un bon café. Oui. Et après, on mange un peu plus tard. Oh oui, plus tard, oui. C'est ça. Jocelyn, on va au boulot ce matin ou on reste à la case? Eh non, on ne travaille pas, moi. Fini. Ah. On ne travaille pas, on est tranquille. Oui. Au repos, ok. Oui. Jocelyn, vous êtes retraité? Comment? Retraité, Jocelyn? Eh non, pas encore. Pas encore? Oui. En recherche d'emploi, on va dire ça comme ça. Eh non, mais fais-moi un petit jardin pour moi. Ah bon? Ah, c'est bien, voilà, Jocelyn. Voilà. C'est un beau métier aussi de faire son jardin dans sa petite cour. Jocelyn? Oui. Les fruits et légumes, vous en avez dans votre jardin? Et pas tellement. Pas vraiment. Oui, mais ça va rendre toujours service. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Oui, oui. Ah bah alors. Bah oui, surtout un bon de 20 euros. Ah oui. Bah alors, en attendant bien. Que ça dans tout dans votre jardin, il pousse. Et bon, va aller rôder un autre bonne fruits, bonne légumes du côté d'Espace Fraîcheur, puisque nous offrons la possibilité de composer ou de panier avec ce bon d'achat. Allez, bon. D'accord, merci. Voilà, bon. Jocelyn. Bonne journée à vous. Bisous, merci. Jocelyn. Et bon jardinage. Oui. Merci, au revoir. Bye. Salut Jocelyn. Bon, tiens, pour vous donner des idées, Jocelyn, de ce que vous allez pouvoir acheter à Espace Fraîcheur. Ouais. Oui. Il y a Prisca qui est là sur le marché ce matin. Oui. Non, mais c'est pas aujourd'hui, ça peut-être demain, après-demain. Ah oui, ça voilà. Nous l'a compris, Jocelyn. Mais ça peut vous donner les idées pour la suite. Oui. Mais pas grave. Oui, pas grave. Oui. Salut Jocelyn. Bisous. Bye bye. Comment il fait? Il faut aller. Raccroche pas, Jocelyn, il explique à tout. Oui. Bisous. Bisous. On vous allez. Prend en main, vous inquiétez pas. A tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Sur le marché forain de Brapanon ce jeudi, Prisca. Ça vous dit une confiture de pommes de terre, les amis? Ah, ça, je ne connais goûté. Pas. Hein. Jamais goûté. Une confiture de Bringel. Marinette, Bringel, oui. Bonjour. Vous êtes panonnaise. Vous êtes bien matinale ce matin? Ah oui, mais comme ça va travailler, ben, il faut revenir plus tôt. Vous avez craqué sur les belles fleurs. Hein. Je vois que vous avez de beaux bouquets. C'est tous les jeudis. Alors, à combien vous les avez touchées, ces fleurs-là? Combien vous avez acheté? Ça fait 7 euros. 7 euros, et puis là, il y a un joli bouquet de lys, et ça, c'est des œillets. Oui, oui. C'est ça oui. Alors, la confiture de pommes de terre, c'est bon, hein? Vous la goûtez, la Bringel, la confiture de Bringel? Bringel, non, pas. Et la confiture de concombre? Non plus. Non plus. Attendez, je passe le micro à Sonia. Sonia, goûtez en direct sur Réunion Première la confiture de concombre. Alors, comment il est, Sonia? Super, super, super. Et ça est bon, hein? Moi, bah, j'ai jamais mangé, moi, là. Moi, j'ai goûté la pomme de terre. Excellent, les amis. Hein. Bon, Chantal, bonjour, Chantal. Chantal en pleine dégustation, Bringel, concombre. Chantal, elle a fait des confitures improbables sur le marché forain de Brapanon. Pourquoi avoir fait ces confitures, Chantal? Bonjour. Mais c'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir dans la vie pour faire des confitures. Alors, pommes de terre, c'est pas commun. Comment on fait la confiture de pommes de terre? Ben, la pomme de terre, il faut chauffer la pomme de terre d'abord. Mmh. Et après, vous mettez à la marmite. Et puis, dans les ingrédients, on peut mettre dedans. Et la confiture de concombre. Tout comme ben, le c'est fruit, pareil. Hein. Oui. Mais il fallait jouer le concombre. Hein. Ah, mm-hmm. Et vous faites un petit peu de tout, hein, parce que j'ai goûté aussi la confiture de papaye de Chantal. Excellent. Donc vous vendez ça à combien? Pour ceux qui veulent goûter, 4 euros. 4 euros. Oui. Allez, vous allez en mettre un dans le panier garni. Confiture pomme de terre. C'est le mot de passe pour tout à l'heure. Confiture pomme de terre. Voilà, venez nous rejoindre tout à l'heure à 8h15. On aura l'occasion d'échanger hein, des recettes, des idées de menus sur le marché forain de Brapanon. Et puis par la même occasion, vous allez pouvoir repartir avec votre panier rempli de fruits et parfait, de légumes. Ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, c'est chez Jackie Revel. À 8h15, vous pouvez gagner votre panier garni avec exactement. Cette confiture de pommes de terre. C'est le mot de passe à donner à Prisca sur le marché de Brapanon. Salut Prisca. Bisous. Salut. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi envoyer votre petite photo de petit déjeuner sur la page Facebook de Grand Matin. Vous likez, photo que vous pouvez prendre tout seul ou accompagné. Exactement, peut-être que vous prenez eh bien, un petit bout de pain avec de la confiture, justement. Alors, pas forcément de pommes de terre, hein, parce que vous l'avez entendu, c'est un sacré travail hein, pour faire le confiture de pommes de terre ou de concombre. Hein. À mon avis, c'est pas ce matin que vous allez la faire, c'est sûr. Non. Il y a moyen que si je commence maintenant, je vous en ramène lundi. C'est ça. Mais je suis pas sûr qu'elle le fera, en fait. Non. Parce que le week-end, elle se repose, voire elle dort tout le week-end. Donc, c'est pas possible. Non. Bon, en tous les cas, vous envoyez une petite photo sur et vous Facebook. Gagnez peut-être votre nuit d'hôtel demain pour deux personnes en chambre double, s'il vous plaît. Si ça, c'est pas bien. Ah ben, on sait plus quoi faire. C'est première, en tout cas. Bah voilà, on sait plus hein. Dans Grand Matin, bon réveil, bonne rentrée. You got me. These presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Voilà de quoi avoir donné la pêche. Ah, oui, hein. Avec This Girl sur Première dans Grand Matin. Et c'est le moment de rejoindre Jean-Claude Machir sur les routes qui sont un peu plus chargées. Hein. Ah, tu m'étonnes. Il est du côté de la ravine du Trou. C'est à vous, Jean-Claude. Oui, sur la nationale 1A en direction du sud, avec cette circulation qui reste assez dense sur la route des Tamarins depuis le viaduc de Saint-Paul en direction du port. Sur l'axe mixte, une circulation fluide. Il en est de même en centre-ville du port. Pas de grosses difficultés non plus à l'entrée ouest de Saint-Denis avec un léger ralentissement au niveau du giratoire de la caserne. Et en centre-ville de Saint-Denis, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Du monde dans l'est, circulation chargée et dense en direction de Saint-Denis. Vous êtes ralenti légèrement à la hauteur du radar du Chaudron, mais rien de bien méchant, c'est juste à cause du feu au niveau du buteur où il y avait un véhicule qui ne roulait pas très vite. Et sinon, dans le sud, ça reste encore fluide en provenance de Grandbois, Saint-Joseph. Pas de ralentissement sur le pont de la rivière d'abord, mais déjà un frémissement de ralentissement sur le boulevard Banks. Soyez prudents et bonne route à vous. Ça merci frémit beaucoup, Jean-Claude Machir. Alors là, si pour l'instant le trafic, ça se passe encore pas trop mal, à mon avis, au fil des minutes, aux alentours de 7h-7h30, ça devrait être un petit peu plus chargé en cas de problème. Vous n'hésitez pas, 99-2000. Sinon, par SMS, ça marche aussi, le 06-92. 70-2000. Bah oui, oui, bah du coup, ouais. Il est nouveau, c'est normal. Ça, c'est le numéro nouveau. C'est le nouveau. Dans la tête. Il va rentrer, 70-2000. Tu m'étonnes. Voilà. Et 6h30 sur la première. Et c'est l'heure de votre journal présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des locaux pour les enfants 10 à Sainte-Suzanne, c'est le CMPP qui a porté ce projet. Il se concrétise, reportage dans ce journal. Des pompes à chaleur pour remplacer les poêles à bois. 11 écoles de la plaine des Cafres ont été équipées. Fini les gants en classe, nous entendrons une enseignante qui apprécie ce nouveau confort. Pas d'eau pour les agriculteurs des Hauts du Tampon. 17 maraîchers appellent à l'aide. Leurs entreprises sont en danger, faute de pouvoir arroser correctement les plantations. Et puis nous entendrons Daniel Narcisse, qualifié avec les experts pour les demi-finales du tournoi olympique de handball à Rio. Petit débrief du match remporté face au Brésil. Rendez-vous à la fin de cette édition. Il y a des enfants pour qui l'école n'est pas un lieu d'apprentissage mais un lieu d'échec. Quand les troubles 10 comme la dyslexie ou la dyspraxie ne sont pas dépistés, les petits élèves passent pour de parfaits cancres. À Sainte-Suzanne, le CMPP, le centre médico-psychopédagogique, vient de voir aboutir son projet de classe spéciale pour les enfants 10. Des locaux vont être construits. Pour l'heure, les 7 élèves sont accueillis à l'école José Barraud de Sainte-Suzanne. Le reportage de Jean-Paul Mélade. Pour cette demi-journée de rentrée, les élèves venus de la région Est de la Réunion font connaissance avec leur milieu scolaire, les copains et la nouvelle maîtresse. Michael Tincresse leur a donné ce matin le choix, jeu de société ou dessin. S'occuper d'une classe 10 est un acte volontaire de sa part. C'était vraiment une volonté de ma part, en fait, de venir travailler. Volontariat. Oui, tout à fait. Pour éventuellement, par la suite, me spécialiser, peut-être. Kylan a choisi le dessin pour aujourd'hui. Là, j'ai fait un monstre, et là, quelqu'un qui est enfermé dans sa petite maison. Ça, c'est des autres monstres qu'ils ont envoyés. Et là, c'est un terrain de foot. Il connaît bien l'école où il a commencé sa scolarité. Il vient d'intégrer cette classe 10 et redoute un peu les remarques de ses copains. Mes autres copains qui sont pas en difficulté, des fois ils me moquent de moi, ils sont stressés, ils vont dire que je suis un naze. C'est pour ça, mais j'ai peur qu'ils disent que je suis un naze. Je suis pas un naze. Mais là, tu es avec des copains qui ont aussi des difficultés comme toi, ils s'en sortent pas avec toi, non? Oui. En fait, ce dont tu as peur, toi, c'est les autres copains d'avant, c'est ça? Oui. Ouais. Mais tu t'en fiches, non? Moi, je m'en fiche parce qu'ils sont un peu en difficulté. Un tout petit peu. L'école José Barraud de Sainte-Suzanne accueillera dans 2 ans un maximum de 12 enfants multidis dans des locaux flambant neufs. Un reportage de Jean-Paul Mélade. Plus de confort aussi pour les élèves des Hauts du Tampon. On a tous en tête l'image des petites têtes couvertes de bonnets, des enfants mitouflés dans des polaires pour la rentrée, dans leur classe chauffée avec des poêles à bois. Il y a du nouveau cette année puisque 87 pompes à chaleur ont été installées dans les 11 écoles de la Plaine des Cafres et des Hauts de Bérive. Un investissement de 137 000 euros pour la mairie. L'équipement a pu être testé à l'école de Bourmura juste avant les vacances. Nina Combe est enseignante en classe de maternelle dans cet établissement. Bah ça change tout parce qu'avant bah on travaillait en bonnet, en gants, en manteau dans la classe. On n'allumait pas le poêle à bois parce qu'il fumait trop. Et du coup maintenant avec les pompes à chaleur, bah, les enfants sont plus à l'aise et on tombe moins malade aussi. C'est vraiment, ça change tout, c'est beaucoup mieux. Déjà il y a des enfants qui supportaient pas l'odeur de fumée. Ensuite il fallait entretenir toute la journée. Donc mon ATSEM ne pouvait pas être à la fois avec moi et en même temps surveiller le feu. Donc c'était vraiment une contrainte ce poêle, oui. C'est pas un luxe, ça devrait se faire partout automatiquement, surtout dans les hauts. On a très très froid et on arrive le matin, on est des fois à 10 degrés, donc à 8h30, donc c'est dur pour les enfants, même pour nous-mêmes, d'être en bonne condition pour travailler. Là, du coup, tout le monde est content. Nina Combe, enseignante en classe de maternelle à l'école de Bourmura, interrogée par Pierre Komorasamy. Du confort, mais pas du luxe pour les élèves et les enseignants. 6h34 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Et cette rentrée, on parle formation toujours avec la CCIR et Pôle emploi qui ont signé hier une convention cadre, un texte pour officialiser les partenariats entre les deux organismes. La Chambre de commerce et d'industrie forme chaque année 10 000 adultes et 1 700 jeunes. Le taux d'insertion des apprentis diplômés dans les entreprises dépasse les 65%. Ibrahim Patel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur l'année 2015, on a accueilli 35 000 accueils physiques. Dans ces 35 000 accueils physiques, il y a eu 2655 demandeurs d'emploi qui ont poussé les portes des 4 maisons d'entreprise. Pour l'année 2016, au premier semestre, nous sommes déjà à 1674, donc en augmentation justement des demandeurs d'emploi qui poussent les portes des différents services, donc de la Chambre de commerce. Et aujourd'hui, on signe ce partenariat pour l'améliorer. Nous avons 34 000 entreprises aujourd'hui qui sont affiliées quand même à la Chambre de commerce. Et n'oublions pas, il y a 26 200 offres potentiellement recrutables en 2016, dont 34% ne vont pas forcément trouver preneur. Il est de notre rôle de faire en sorte que les patrons qui souhaitent aujourd'hui embaucher, recruter, puissent aujourd'hui trouver quelque part l'employé, je dirais pas forcément modèle, mais l'employé qui est formé et qui pourrait donner toutes les garanties de satisfaction à l'employeur. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ibrahim Patel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, répondait à Nadine Bachelot. Cette autre convention signée hier entre la CGPME et l'association Mensa Réunion, un texte qui doit faciliter l'intégration des personnes à haut potentiel intellectuel, les personnes qui ont plus de 130 de quotient intellectuel. Cela concernerait 2% de la population. On le sait, pour les enfants surdoués, ce haut potentiel se transforme souvent en handicap, faute d'être compris et valorisé. Et bien pour les adultes, il faut utiliser ce potentiel dans les entreprises, ne pas passer à côté. Daniel Gros, délégué de l'association Mensa Réunion, elle est elle-même HPI. Alors ça, c'est toujours la question qu'on pose ou qu'on me pose. Moi, je dirais, quand on se connaît, quand on sait qui on est, quand on a fait un travail sur soi, c'est une force. C'est un atout. Cette convention avec la CGPME, ça va servir à quoi? C'est de dire à un moment donné, déjà c'est très important parce que c'est la première pour Mensa, hein, Mensa France. C'est un démarrage d'un partenariat entre le monde de l'entreprise et l'association. Et c'est de se dire, on se reconnaît déjà. La CGPME reconnaît le haut potentiel. Et le haut potentiel reconnaît aussi qu'il y a un travail à faire pour l'intégration dans le monde du travail. Et c'est de dire, c'est pas on attend des autres, c'est ensemble. Daniel Gros, interrogé par Hubert Debeux. On retourne dans les Hauts du Tampon avec ces difficultés rencontrées par des maraîchers. Alors que dans certains secteurs de l'île, on ne manque pas d'eau, ces agriculteurs sont à sec, pas d'accès à l'eau depuis leurs parcelles, pas d'irrigation possible. Cela met en danger leurs entreprises. Ils sont 17 dans ce cas. Ils ont alerté la Chambre d'agriculture, car pour l'instant, c'est la débrouille qui leur permet de faire pousser leurs légumes. Ils arrosent avec de l'eau dans de petites citernes ou avec des arrosoirs. Le témoignage de Rodrigue Grondin, jeune agriculteur. Ben, elle m'a fait 10 fois la demande, quoi. 10 fois la demande, à bout de la 11e fois, elle a envoyé une lettre comme de quoi elle a plus de l'eau de la retenue pour satisfaire tout le monde. Des fois, elle ne m'y arrose pas, des fois, elle m'y perd beaucoup. Donc, mon chiffre d'affaires est estimé à 35 000 €. Mais il doit gagner 10 000 € par an, là. Donc, on a 25 000 € de perte. Donc, il fait à moi déjà près de 75 000 € en 3 ans. Avec cette parcelle de terrain-là, je pense qu'on aurait bien réussi en sortant moi comme jeune agriculteur. Donc, mais après, voilà. Donc, après, heureusement, on a de l'aide à côté quand même. On va payer dans moi beaucoup. Donc, il pense que c'est ça, il soutient le goût. Ouais, moi tenir le coup, sinon m'a fini arrêter m'y pense. Là, on est en train de tuer à moi pour rien presque. Rodrigue Grondin, jeune agriculteur, interrogé par Pierre Komorasamy. On parle sport avec du handball. Les Bleus se sont qualifiés pour la demi-finale du tournoi olympique hier en battant le Brésil largement 34-27. Une équipe du Brésil solide en défense pourtant, mais qui a craqué physiquement pendant la deuxième mi-temps. Pour les Français, c'est psychologiquement qu'il fallait tenir face à un public très engagé. Pour le Réunionnais Daniel Narcisse, eh bien c'est bon signe. C'est vrai que c'était un match difficile comme on l'attendait, de jouer les Brésiliens chez eux, c'était toujours compliqué par expérience. On a déjà vécu ce genre de situation et je peux vous dire que l'équipe elle se surpasse dans ces moments-là, donc il faut vraiment être présent. Je crois qu'on a bien préparé le match, on a trouvé pas mal de solutions en attaque avec une défense agressive qui a posé beaucoup de problèmes dans la compétition à ses adversaires. Et c'est génial de voir autant d'engouement et d'ambiance ici au Brésil où le foot, évidemment, c'est le sport numéro un. Le handball montre qu'il commence à prendre sa place ici au Brésil. Donc c'est un public qui vraiment met beaucoup d'ambiance, qui n'arrête pas de chanter du début à la fin. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa de jouer dans des conditions comme ça. Allez, Daniel Narcisse en route, peut-être pour une médaille, il était interrogé par Julie Straboni. Demain, vendredi, les experts rencontreront l'Allemagne, donc en demi-finale. En revanche, c'est fini pour Cindy Billot, la Réunionnaise éliminée en demi-finale du 100 mètres haies. 13 secondes et 3 centièmes, c'était insuffisant pour passer en finale, mais la Réunionnaise garde le sourire. Je l'ai vu sur une photo, c'est un essentiel. Petit sourire. Pour... Avec Johnny en plus. Oui, avec Johnny. Ouais, Johnny a de la chance d'être entouré de toutes ces belles femmes. Ah, il a une belle collection de selfies au jeu de Rio, Johnny. Merci Cécile. 6h40 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Il faut dire les choses, Michael. Dans le ciel aujourd'hui, ça bouge pas beaucoup, non, ça change pas toujours beaucoup. Toujours pareil. Bah assez nuageux à l'est en ce moment entre Petite Île et Sainte-Marie en passant par Sainte-Rose, aussi bien d'ailleurs sur les hauts que sur le littoral. On se réveille avec à peine 2 degrés au volcan, 5 degrés à la plaine des Cafres et quand même 18 degrés à Saint-Gilles-les-Vins, à Saint-Denis. Le thermomètre va remonter à la faveur du soleil, notamment qui brillera à 2000 feux dans l'ouest et le sud. Ça sera un petit peu plus compliqué à l'est, mais on devra retrouver des éclaircies, ainsi que sur le chef-lieu et le sud sauvage. Et puis progressivement dans l'après-midi, des hauteurs sous les nuages, notamment celle de l'ouest de la Possession à Trois-Bassins, avec du vent qui soufflera un peu plus modérément qu'hier, 50 km/h sur le nord et le sud, et des pluies qui seront presque inexistantes cet après-midi. C'est déjà ça. Voilà, le thermomètre va grimper jusqu'à 27 degrés sur Saint-Gilles, il fera 25 à Saint-Pierre. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Alors on va remercier les auditeurs qui nous envoient des informations sur les routes notamment et qui nous appellent. Exactement, puisqu'on nous a signalé qu'un bloc rocheux était tombé sur la route de Salazie, donc au niveau de Bracy-Trônier. Et Jean-Claude Machir, la circulation se fait par alternat dans le secteur. Oui, je le confirme. Donc une équipe de l'UTR est partie pour voir l'état de la route et de ce bloc rocheux. Donc faites très attention, c'est dans le sens montant. L'alternat n'est pas signalé, mais si là, ce sont les automobilistes qui feront l'alternat à la hauteur de ce rocher, notamment qu'une équipe de l'UTR soit sur place. Et merci à Jean-Pierre pour l'information. Côté circulation, ça reste déjà dense à l'entrée ouest de Saint-Denis avec un ralentissement sous le Cap Bernat pour aller vers le Barachois. Dans l'autre sens, en provenance de l'est, ça ralentit légèrement à la hauteur du radar du Chaudron pour venir sur Saint-Denis. Beaucoup de monde aussi sur Belle-Mène, sur la route Digue. Depuis le viaduc de Saint-Paul, ça commence à se densifier puisqu'on a déjà des ralentissements dans les rampes de Plateau-Cailloux, dans le bas des rampes de Plateau-Cailloux pour aller en direction de la chaussée Royale. Beaucoup de monde aussi dans le sud, circulation qui reste très dense à prendre en direction du fond de la rivière d'abord, même si c'est encore très roulant, mais malgré tout, il faudra s'armer de patience aujourd'hui. Deuxième jour de rentrée des classes, c'est l'on connaîtra des difficultés de circulation. Bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude, restez bien prudent, patient sur le réseau routier et en cas de problème, 99-2000 par SMS, le 06-92-70-2000, c'est le nouveau numéro. Oui. Retenez bien 70-2000 pour vos SMS. Oh, Marius l'a retenu lui, alors, c'est bien, Marius. Bisous à toute sa famille. Bah, il a bien raison Marius. Ainsi qu'à Dadine. Voilà. Dadine, c'est mignon ça. Dadine. Dadine cool. Ah bah. Ouais, ça c'est moins mignon quand même. Et bon, gros matin encore. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Avant 7h, l'appel réveil. Oui. Et on a décidé de faire honneur à un marchand de poulet. Ça même. Ouais, on en a parlé un peu tristement dans la presse. Oui. Sur Réunion Première aussi en télévision. Exactement. On s'est dit qu'on voulait savoir un peu comment vivait un marchand de poulet. C'est ça. Comment travaillait un marchand de poulet. Voilà. Donc on ira voir un marchand de poulet. On passera un coup de fil à Nano tout à l'heure. 25 ans d'expérience. Ôté 8 et 25 ans que l'Ivan poulet sur le bord de la route. Voilà. Juste après 6h50 et les unes de la presse. Mmh. Et maintenant, comme tous les jours, oui. Eh bien, le coup de savate du Lecce. Exactement. Ou les coups de savate. Mmh. Le Lecce. Ouais. Ce personnage du web que vous connaissez peut-être. En tout cas, il a sa chaîne YouTube. Exact. Avec ses petites vidéos. C'est ça. Et si vous ne connaissez pas, ça tombe bien. Il est aussi sur Réunion Première dans Grand Matin. Il fait sa rentrée. Bah c'est oui. sa première rentrée avec nous. Et bien justement, ça tombe bien. Il nous parle des cours de français. Oh là là. Cours ça de français triste, à l'école, à La Réunion. J'ai appris à lire dans un livre de français très français. Avec le recul, le NAFER aurait été estampillé régime de Vichy, travail, famille, patrie, lecture. Je n'aurais pas été étonné. Sans rire, personne ne s'est posé des questions à l'époque sur les ouvrages qu'on donnait aux petits réunionnais pour apprendre à lire. Attendez, je vous lis un extrait. Maman est dans la cuisine, elle fait un clafoutis aux cerises. Cosa, il est un clafoutis. Oussa, nena, cerise, la réunion. Papa est dans la forêt, il a fini de couper du bois pour la cheminée. Vous vous doutez bien qu'à Saint-André, ma ville natale, n'avait pas beaucoup de cheminées dans la case de Moon. Notons aussi les places très stéréotypées des hommes et des femmes. Momon dans la cuisine, papa dehors en train de couper de bois. Régime de Vichy, je vous dis. Je vais vous la refaire à la sauce Saint-Andréane, moi, votre livre de lecture. Maman est dans la cuisine, elle fait cuire des bringelles. Papa est dans la boutique, il boit un verre de rhum. Je peux même vous faire la version du chaudron. Maman est dans la cuisine, elle réchauffe une boîte bœuf premier prix pour ses 5 enfants. Papa est... Papa n'est pas là. Et m'y parle même pas à des images que l'avait dans le livre, avec les enfants les plus blonds de la terre. Alors n'étant pas de la petite île ou de Sillaos, des gens blonds dans ma classe de CP, il n'y en avait pas un tas. Et Cécile, les notes famille dans le livre, ou pespique à ma conseil un clafoutis ou ? Alors oui, il faut savoir que Cécile était zoréole et qu'elle était aussi perdue que moi. Mais il n'y avait pas que les élèves que t'es pédales dans la colle Jacques, l'instit aussi. Ou imagine explique à des marmailles des trucs qui n'existent pas autour de Zot en même temps qu'apprendre à Zot les rudiments de la lecture ? Aujourd'hui, c'est le printemps, nous nous sommes promenés dans la forêt, nous avons vu des marmottes et des sapins. Monsieur, c'est quoi le printemps ? Une marmotte, ça ressemble à quoi ? À la limite, un tang, mais voir que ça il est. Le banc de livre n'était clairement pas adapté à un jeune réunionnais des années 90. Après, il rôde pourquoi la plupart des jeunes de mon génération l'étaient en échec scolaire. Et en cours d'histoire, l'était pas mieux. Nos ancêtres, les Gaulois. Allez, explique ou de camarade Malbar que son banc ancêtre t'es boire la potion magique et t'es botte le banc romain. Ou sans pas que nana fallait pas bon dans le système éducatif, là ? Mais quelqu'un m'a dit que, aujourd'hui, les choses ont changé, les jeunes réunionnais n'apprennent plus de la même manière. D'après, on leur explique les spécificités locales, l'histoire de la Réunion, tout ça. Du coup, mon petit cousin de 12 ans m'a expliqué un jour que « c'est le traité de Paris de 1814 qui rétrocéda l'île Bourbon à la France ». Ouais, mais est-ce qu'on connaît conseil la clafoutis au cerise ou ? Bah, c'est vrai que après, plus tard, on sait, parce que c'est un clafoutis. Mais un clafoutis au début, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'en a pas forcément fait, quoi. Les clafoutis. Les gâteaux patates. Partout à tisse. Non mais oh bon. Alors. Le Lecce qu'on retrouve entre 16h et 18h dans le bon tempo, avec David, qui vous accompagne tous les après-midi. Les unes de la presse, à suivre, et l'Indigo, 1000 essais que 1000, et à tout de suite. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Ça t'y met ensemble ? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. En concert le 7 octobre prochain. Exactement. Et on vous offre les places sur Réunion Première. Tu m'étonnes, ça se passe au 99-2000. Hein. L'Indigo. Tous les jours. Bataille pas pour la peau grand temps. Pourquoi Pense dans mon dos, pense avec moi. Pense dans mon dos, pense avec moi. Pense dans mon dos, pense avec moi. Mais tu laisses causer, il est sec, il est. Tu laisses causer, nous les sec, il est. Tu laisses causer, il est sec, il est. Tu laisses causer, nous les sec, il est. Tu laisses causer, il est sec, il est. Tu laisses causer, nous les sec, il est. Peut-être descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa, trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Ote, madame est telle. Ote, monsieur est telle. Ça mal cause à moi. Après, t'as pour plaire là. Ote, madame est telle. Ote, monsieur est telle. Ça mal cause à moi. Après, t'as pour plaire là. Assez. Bataille pas pour la peau gâteau. Coupé, coupé. Cause dans mon dos, cause avec moi. Cause dans mon dos, cause avec moi. Tu te laisses causer, il est sec, il est. Tu te laisses causer, nous les sec, il est. Tu te laisses causer, il est sec, il est. Excellent l'Indigo avec Fixie, Millet, Sec Millet sur Première dans Grand Matin, il est 6h50. Voici les unes de la presse avec Cécile Thomas, un champion déterminé en une du quotidien ce matin. Très déterminé, Daniel Narcisse, point serré, en route vers la médaille, écrit le journal aux Jeux Olympiques de Rio en handball. Les Bleus sont en demi-finale, la France a décroché l'or en équitation hier. Autre titre, carrière de bois blanc, retour à la case enquête publique, réforme du collège, la rentrée des nouveautés, au bar à choix énergie vise l'ancien siège de RFO, écrit le quotidien. Et puis dans la rubrique 40 ans avec le quotidien, retour sur 1991, l'année de l'affaire Yvon Tiolika. La vanille attise les convoitises, c'est dans le journal de Lille aujourd'hui. Une tonne et demie de vanille ont disparu, ces vols représentent 10% de la récolte. Plusieurs plaintes ont été déposées par les coopératives de Sainte-Suzanne et de Brapanon. La secte Marie Porte du Ciel, libre le gourou Valencourt, ni tout, écrit le GIR. Rentrée scolaire, 224 350 élèves de retour en classe. Rentrée littéraire après son refus. La France accorde un visa à l'écrivain comorien Ali Zamir. Et puis à Rio, Narcisse propulse les Bleus en demi-finale. Dans la presse nationale, une question, une d'aujourd'hui en France. Esprit olympique, es-tu là ? avec la multiplication des sifflets lors des compétitions, la partialité des supporters brésiliens est pointée du doigt. Autre titre, avec une photo impressionnante, un violent orage provoque un accident de train dans le sud de la France. On peut voir en une du journal la cabine du conducteur du TER défoncée après avoir percuté un arbre tombé sur la voie. Donald Trump en une du journal Le Monde. Trump ne triomphe qu'auprès de ses fans, écrit le journal. Galvanisé par ses meetings, le républicain est pourtant distancé dans les sondages. À lire également l'enquête embarrassante sur son directeur de campagne payé par l'Ukraine. En une du Monde également, Valls appelle les musulmans à s'opposer à l'islam radical. La Turquie en une du Figaro. Comment Erdogan islamise la société turque? Le récent putsch avorté sert de prétexte au président turc pour imposer sa vision d'un islam politique. Autre titre, Burkini, Valls soutient les maires, mais l'opposition lui demande d'agir, écrit le Figaro. Et comme pour le Figaro, c'est la situation en Turquie qui fait le grand titre de Libération ce matin. Recep Tayyip Erdogan, la revanche du sultan, titre Libé, un mois après le président turc sort renforcé du putsch raté et emprisonne à tout va. Autre titre, mais qui a piraté? La NSA, de mystérieux hackers ont publié des données qui proviendraient de l'agence américaine. Les services russes sont soupçonnés. Quatre médailles d'or en une de l'équipe. Magistral, titre le quotidien sportif. L'équipe de France d'équitation a décroché la médaille d'or dans le concours de saut d'obstacle. En basket France-Espagne, les Bleus sont éliminés du tournoi olympique. 67 à 92. Adios Parker, titre le journal, c'est un peu cruel. Ouais. En athlétisme, Mayedine Mekissi, récupère le bronze aux 3000 mètres steeple après la disqualification d'un concurrent kényan. Mais décidément, l'Espagne, c'est vraiment notre bête noire. Ils vont continuer à se moquer de nous en basket. Eh oui. Bon, c'est comme ça. Adios. Ouais. Adios, adios Cécile. Restez bien prudents. Attention à ce bloc rocheux sur la route de Salazie au niveau de Brassy-Trognier. Merci à vous de nous avoir signalé cette information routière au 02 62 99 2000. Ça se passe dans le sens montant. On fera un nouveau point circulation avant 7h. Ce sera avec Jean-Claude Machir. Il est 6h53 dans toute la région. Et qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là? Eh bien, on réveille un Moon. Bah oui, on réveille un Moon. Alors, vous avez bien sûr été mis au courant de l'actualité dramatique, enfin dramatique, en tout cas, pour ce vendeur de poulet qui a été agressé au port pour un poulet. C'est ça, bon. Un poulet grillé. Eh bien, chaque matin, on a essayé de réveiller la Réunion. Eh bien, on décide de se réveiller avec les poulets après s'être couché avec les poules. En tout cas, avec le vendeur. Voilà. Parce que le réveil avec le bon poulet sera compliqué. Hein. Ils sont le presque grillés. C'est Nano. Eh oui, qui est avec nous. Nano est avec nous. Il est vendeur de poulets depuis 25 ans. Bonjour Nano. Bonjour Nano. Bonjour Réunion Première. Ça va bien Nano? Réveil grand matin, c'est pas un souci pour vous, hein? Non, ça c'est pas un problème pour moi. Mais la voix est toujours un peu crasée, hein, sans la voix un peu cassée. C'est la vieillesse. Ah, la vieillesse. La vieillesse peut-être, Nano, mais il faut beaucoup de courage pour le week-end. Depuis 25 ans, où travaille à où? C'est de vendre poulet. Ouais. Comment on l'a choisi et bien ce métier-là, Nano? Comment l'arriver? Ben, le fait que dès que j'ai travaillé pendant 9 ans, 8 ans au niveau peintre en bâtiment. Ouais. Pour un patron, mais moi, t'es pas satisfait. Ouais, c'était pas ça. C'était pas ça. Ben, après, il m'a dit, faut bien faire quelque chose, pas mon compte personnel. Et donc, du coup, la tourne à où vers la vente de poulet? Oui, la tourne vers la vente du poulet, et pour moi, ça va. Alors, c'est combien de poulets par jour que vous vendez finalement? Parce qu'on voit beaucoup de vendeurs de poulets et on se demande si tous les vendeurs font leur beurre, surtout. Combien de poulets vous pouvez vendre par jour, Nano? Comme moi, je ne travaille pas tous les jours. Ah. C'est le week-end, vendredi, surtout samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. À vendredi, j'étais de 8 à 13h. Ouais. 13h jusqu'à 21h. Le samedi à 5h du matin jusqu'à 21h. Ah, grosse journée. C'est forcément, ouais. Et dans le dimanche? À 5h du matin, à 8h, on a déjà poulet cuit pour aller en pique-nique, tôt le matin. Le fameux poulet grillé du pique-nique. Oui, tôt le matin, à 5h du matin, à 8h du matin le dimanche, jusqu'à 15h. Et est-ce qu'il vous arrive souvent, par exemple, de ne plus en avoir dès 10h le dimanche de poulet? À 10h du matin? Ouais, 10h du matin, vous avez plus de poulet. Ça y est, tout le monde est passé. Non, ou bien il étale sur la journée. Non, c'est à 8h, on a déjà prêt. Ah après, bon? Et quand on arrive à 10h, là, c'est des gens qui vont commencer à débiter bien. Et à 13h, 14h, c'est un petit peu la foule. Mais là, pendant toute la journée, là, il n'arrête pas, il ne fait pas de pause, il ne fait pas rien. Là, toute la journée, il grille poulet, il vend, il grille, il vend. Si, il faut prendre un petit déjeuner, il faut prendre à 7h30, mais après, journée continue. Journée. D'accord. Alors, 25 ans de longévité dans le poulet grillé. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence, Nano? Qu'est-ce que vous leur faites à vos poulets? Moi, c'est poulet rôti, c'est pas poulet grillé. Poulet rôti. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Vous, c'est dans la machine, alors, vos bons. Moi, c'est des grandes fours. Ça broche. Oh là, ouais. Ça débite à 60 poulets en 45 minutes. Ah oui. Ah ouais. Quand même. Ah oui, c'est du gros débit, hein. Ouais. C'est du gros débit. C'est la machine de compétition, hein, chez Nano, hein. C'est ça. Donc ça veut dire des centaines de poulets vendus du tout le week-end. Voilà. Ben, bon week-end, ça arrive à 250 pour le week-end. Bah alors justement, Nano, Mickaël l'a dit, des vendeurs, on a l'impression qu'il y en a un petit peu partout entre le poulet rôti, le poulet grillé. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment on arrive justement à garder sa clientèle fidèle? Il faut rajouter d'autres produits, il faut se renouveler, ou bien c'est la recette même de la sauce qui fait que Bonaï revient rien que chez vous? Ben, faut les dire, chacun a son petit grain de sel. Hein. Et ça, les discrets. C'est le secret. C'est le secret de Nano. En gros, il ne dira pas nous, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est bien en même temps. C'est normal. Il faut bien faire son commerce. Nano, on a bien raison. Hein. Nano, justement, vous avez entendu l'actualité de ces derniers jours avec ce vendeur de poulet agressé. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, quand même, on pourrait en arriver à là, agresser un vendeur de poulet pour un poulet? Pour un poulet. C'est là, comme j'ai entendu, c'est désolant. Et c'est la deuxième. Il est passé un peu moins de deux années à Saint-Leu. Oui. Là, ça arrive au port, il peut arriver à Saint-Denis, puis arrive ailleurs. Ça. Vous avez un peu peur des fois, vous, maintenant, en entendant ce genre de faits divers? À la distance, c'est tout le monde a peur. Quand on travaille au niveau indépendant, vous pouvez travailler pour donner une famille à soigner. Ouais. Quand il y a des conditions comme ça, c'est difficile pour... Quand vous sortez chez vous, dites à travailler, vous ne connaissez pas comment la journée termine. Eh bien, Nano, en tout cas, continuez de vendre vos poulets. Bon courage, Nano. En tranquillité, en toute tranquillité. Ben, merci bien. Merci à vous, Nano. Bonne journée. Le petit poulet pour passer devant la boulangerie. Il est bon. C'est à la Bretagne. Merci, Nano. Bisous. Merci, Nano. Allez, bye bye. Et un rappel, les pronostics de Pascal Maillot. Oui, pour le quintet de cet après-midi à Deauville, prix d'Alençon, il vous conseille, Pascal, le 4, le 7, le 11, le 5, le 3, le 12, le 15 et le 16. 4, 7, 11, 5, 3, 12, 15, 16. Et en cas de non partant, le 10. Allez, on file sur la route. Jean-Claude Machère nous y attend. Vous êtes à Saint-Pierre, Jean-Claude. Oui, Saint-Pierre à la route des Bons Enfants, avec une circulation encore fluide sur le front de mer de Saint-Pierre en direction de Terre-Sainte. Alors, vous êtes déjà nombreux au niveau du giratoire de la caserne, et il en est de même dans la descente de Mont-Caprice pour aller dans la direction des zones 1 et 3. Beaucoup de monde à l'entrée ouest de Saint-Denis, ralentissement assez conséquent au niveau de la caserne Lambert pour aller vers le Barachois. Dans l'est, ça commence déjà à se remplir à la hauteur de Sainte-Marie, ainsi que sur le boulevard sud. Le pont Vincent, quant à lui, reste encore dégagé. Prudence et bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude. Rendez-vous après le journal, 7h sur la première. Le journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il fait froid ce matin, à peine une dizaine de degrés en ce moment à la plaine des Cafres. Une température de saison, mais difficile à supporter pour les enfants qui ont fait leur rentrée hier. Heureusement, la mairie du Tampon a installé des pompes à chaleur dans certaines écoles. Reportage à suivre. La mairie du Tampon qui doit aussi faire face à la colère des agriculteurs de Piton-Hyacinthe. Ils n'ont pas d'eau et perdent 80% de leurs revenus en ce moment. Témoignage dans ce journal. Attention, si vous revenez de vacances, l'ARS craint l'introduction dans l'île de virus comme le Zika, l'agence de santé qui conseille de se protéger des piqûres de moustiques. Et puis aux Jeux Olympiques, l'aventure continue pour Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores. Ils sont en demi-finale. C'est fini en revanche pour les basketteurs et pour la réunionnaise Cindy Bio sur 100 mètres haies. C'est la bonne surprise de cette rentrée pour les élèves des Hauts du Tampon. La mairie a installé 87 pompes à chaleur dans les 11 écoles de la plaine des Cafres, mais aussi dans certains établissements des Hauts-de-Bérive. Finit donc les vieux poêles à bois, un changement radical, surtout que le thermomètre ne dépasse pas les 10 degrés en ce moment le matin. Pierre Comorassami est allé hier à l'école de Bourmura et il s'est rapidement réfugié dans une classe.

Lui pourra finalement se rendre dans l'Hexagone. L'écrivain comorien Ali Zamir a finalement obtenu son visa. Auteur d'Anguille sous roche, Ali Zamir, 27 ans, est sélectionné pour plusieurs prix littéraires, dont le prix du roman Fnac. 6 mois de prison ferme, c'est la peine prononcée hier à l'encontre d'un jeune portois de 19 ans. Il avait participé dimanche dernier à l'agression d'un vendeur de poulet dans la cité portuaire. Dans le reste de l'actualité, notre île a obtenu le mois dernier le label French Tech dans le domaine de la santé. La candidature a été portée par Digital Réunion et concrètement, cela veut dire que le département devrait bientôt bénéficier d'aides au développement d'entreprises du numérique. Raphaël Kahn. Ils sont 540 candidats potentiels à pouvoir bénéficier du label French Tech, censé être le nouveau sésame du développement en matière de nouvelles technologies. 500 sociétés réunionnaises, allant du simple développeur aux entreprises déjà en ordre de bataille pour conquérir les marchés de demain. Les fameuses start-up ont déjà réalisé de belles prouesses en France, mais aussi aux États-Unis et finalement un peu partout dans le monde où l'information circule à vitesse grand V. Encore faut-il pouvoir se distinguer dans cette jungle de la création pour que le trait de génie rapporte gros. C'est la plus-value annoncée par le label French Tech, support financier, technologique et surtout un réseau de contacts professionnels. Reste encore pour les Réunionnais à obtenir les codes d'accès à ces potentialités. Et on reparlera de ce label French Tech avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit dans un instant Philippe Arnaud, le président de Digital Réunion. Rendez-vous après ce journal. On passe au sport avec les Jeux Olympiques de Rio. Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores sont en demi-finale. Les Bleus ont battu le Brésil hier en quart, 34 à 27. Daniel Narcisse a marqué 7 buts, mais il s'est blessé au genou durant la rencontre. Comment va-t-il? On écoute sa réponse. Non, j'avais peur parce que ma fille s'est complètement décroisée, moi. Donc, en fait, m'a gagné un coup dans le genou. Donc, évidemment, il fait mal. Mais mon genou la tourne un petit peu en même temps. Donc là, ça m'avait un petit peu peur. Après, le médecin, la nuit, il a fait un petit peu les tests à regarder vite fait. Le croisé est encore là. Donc, on m'a dit, bon, allez, il faut serrer les dents. La douleur va passer. Et finalement, les gars, encore là. Comme il dit, Kafna cette peau. Daniel Narcisse, interrogé par un de nos envoyés spéciaux au Brésil, Johnny Lérivain. Vendredi, les handballeurs français affronteront l'Allemagne en demi-finale. Fin de l'aventure, en revanche, pour l'équipe de France de basket, éliminée hier par l'Espagne en quart de finale. La réunionnaise Cindy Bio a également été sortie du 100 mètres et. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et on parle ce matin de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. L'allocation de rentrée scolaire tombe aujourd'hui pour près de 2 800 000 familles. Un coup de pouce pour acheter des cahiers, stylos, cartables et tout ce qu'il faut pour les enfants. Pour septembre, cette allocation sous condition de ressources est stable pour la deuxième année consécutive, entre 360 et 396 euros selon l'âge des enfants. Le trafic ferroviaire toujours perturbé entre Nîmes et Montpellier ce matin. Aux dernières nouvelles, la circulation se faisait sur une voie par alternance. Il y a tout de même des trains annulés. Pensez donc à vous renseigner. Hier après-midi, un violent orage dans l'Hérault a provoqué un grave accident de TER près de Montpellier. 9 personnes ont été blessées, dont une très gravement, éjectée du train qui a percuté à plus de 120 km/h un arbre tombé sur les voies vers Saint-Aunès. Les jours de cette personne ne seraient plus en danger. Plus de 200 personnes étaient à bord de ce train qui reliait Cerbère à Avignon. Et cet orage accompagné de grêle a endommagé 1000 hectares de culture dans ce département, dont des vignes du Pic Saint-Loup à 3 semaines des vendanges. Le Premier ministre Manuel Valls dit comprendre l'interdiction du port du burkini dans certaines communes françaises, mais il ne légiférera pas sur la question. Ce maillot de bain intégral, porté notamment par certaines femmes musulmanes sur les plages, est désormais interdit dans 8 communes, avec hier des arrêts pris à Le Cadre dans l'Aude et à Cap d'Aille, près de Monaco. Interdiction également prise à Cisco, en Corse, après la rixe de samedi sur la plage qui a fait 5 blessés. Les 5 hommes qui étaient en garde à vue passeront en comparution immédiate cet après-midi. Les villageois de Cisco ont été relâchés dans la soirée. Ils étaient 2 alors que 600 personnes étaient venues afficher leur soutien. Les 3 membres de la famille sont restés en garde à vue. Selon le procureur de la République de Bastia, cette famille corse d'origine maghrébine a déclenché les incidents voulant s'approprier, privatiser la plage selon ses termes. Pour SOS Racisme, les autorités ont montré de lourdes défaillances lors de cette rixe et qui ont conduit à une vision très ethnicisée de cette affaire. Et il n'y avait pas de burkini, contrairement au dire de certains témoins. Toujours Cisco, mais cette fois l'entreprise. Cisco Systems a confirmé la suppression de 5500 postes dans le monde, soit 7% de ses effectifs. La presse américaine parlait jusqu'ici d'un plan de restructuration touchant jusqu'à 14 000 emplois dans l'entreprise informatique. L'ONG Amnesty International dénonce la torture à grande échelle dans les prisons du régime syrien. Plus de 17 000 détenus auraient péri en détention en 5 ans. L'ONG pense qu'il y en a bien plus. Deux nageurs américains, Jack Conger et Gunnar Benz, ont été débarqués de leur avion à Rio alors qu'ils rentraient chez eux. Ils ont été interpellés. Ils prétendent avoir été victimes d'un braquage avec arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi en marge des Jeux Olympiques. Mais leur témoignage comporterait des incohérences. Autre interpellation à Rio, celle du président des comités olympiques européens, l'Irlandais Patrick Hickley, soupçonné d'avoir participé à un trafic de vente illégale de billets pour assister aux Jeux Olympiques. Et côté français, 31 médailles avec deux nouvelles médailles décrochées. L'or en saut d'obstacle pour l'équipe de France et une médaille de bronze en athlétisme pour Mayedine Merke ici en 3000 mètres steeple en athlétisme. Ça patine. Tu m'étonnes. 7h12 sur la première. Dans un instant, on fera un nouveau point pour savoir comment ça circule sur la route avec Jean-Claude Machir. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Mais d'abord, on s'intéresse, Mickaël, à la météo fraîcheur et soleil au rendez-vous ce matin. Oui, avec du soleil sur l'ouest, le sud et même le nord. Dans l'est, c'est un petit peu plus compliqué. Les nuages traînent souvent entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, mais devraient se désagréger au profit de belles éclaircies sur le volcan et les plaines. On gardera quand même des nuages, enfin, surtout sur la plaine des Palmistes, hein, parce que côté plaine des Cafs, il fait 6 degrés ce matin et il y a du soleil hein, sur la plaine des Cafs, donc on a quand même au moins en contrepartie le soleil. Le soleil qui sera un petit peu moins présent sur les hauteurs de l'ouest de la possession à Trois-Bassins cet après-midi. D'une manière générale, sur les hauts, ce sera un petit peu plus nuageux, sauf dans les cirques, et globalement sur le littoral, là, les éclaircies seront majoritaires, sauf au pied du volcan, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Bon, côté température, thermomètre, tout ça, ça reste de saison, ça reste de saison, oui, avec des fraîcheurs comme on l'a dit ce matin. L'après-midi, on ira jusqu'à 26-27 degrés sur l'ouest de l'île. Il fera 25 dans le nord, 25 dans le sud et 24 dans l'est, ça c'est sur le littoral et dans l'intérieur de l'île. Une vingtaine de degrés au tampon. Mais le thermomètre devrait prendre un petit peu de vigueur pour le week-end et le début de semaine prochaine. On devrait gagner 2 degrés en moyenne. Et ça change tout de petits degrés. Ouais, c'est pas mal en moyenne. Dis, hein. C'est pas moi mal. Je te le dis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Jean-Claude, vous êtes toujours à Saint-Pierre, cette fois-ci dans la rue Luc Lorion. Luc Lorion, oui, et je confirme la présence du soleil et je confirme aussi la présence bien, de l'embouteillage qui commence à se faire dans le centre-ville de Saint-Pierre, aux abords des établissements scolaires. Vous êtes nombreux sur cette rue Luc Lorion dans le sens descendant. Il en est de même dans la rue Auguste Babet. Alors la rue Auguste Babet qui est fermée dans sa partie basse, voilà, en direction de la mairie, mais sinon ça provoque malgré tout dans le haut de cette rue Luc Babet, ça provoque pas mal de ralentissements. Beaucoup de monde aussi sur la route des Tamarins, c'est à la hauteur de Plateau-Caillou maintenant, que sont les ralentissements pour aller en direction du port et de Saint-Denis. Et en provenance de l'Est, on a aussi de gros ralentissements bien avant le radar du Chaudron. Sur la route du littoral, les ralentissements se situent, eux, au niveau de la ravine à Jacques. Beaucoup de monde aussi dans l'Est, entre les giratoires de la Plaine et de Bracanote. Mais pour l'instant, ici, du côté de Saint-Pierre, ça reste encore assez roulant en provenance de Saint-Joseph. Les ralentissements légers, uniquement au niveau du pont de la rivière d'abord, en direction du boulevard Banks. À présent, c'est bonne route à vous. Merci beaucoup, Jean-Claude. On fait un nouveau point circulation avant 7h30. Et à suivre l'invité de la matinale. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, 你想学汉语, 没问题, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Et il est 7h15 sur la première, comme tous les matins, l'invité de la matinale avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin vous recevez Philippe Arnaud, président de Digital Réunion. Philippe Arnaud, bonjour. Bonjour. Digital Réunion, pour faire court, c'est l'association qui regroupe les professionnels du numérique. Et votre association a été récompensée par le label French Tech. Alors, une distinction passée un petit peu inaperçue pour certains, puisque la nouvelle est tombée en pleine vacances le 25 juillet. C'est pour ça qu'on en reparle ce matin et on y est revenu dans le journal de 7h. C'est quoi, au juste, ce label French Tech ? Alors, le label French Tech, c'est vraiment la reconnaissance, on va dire, d'un niveau d'excellence d'un territoire, en l'occurrence à La Réunion, dans le domaine de la e-santé. Donc, en fait, la santé facilitée par le numérique. La Réunion a été labellisée, effectivement, dans ce domaine de la e-santé. Qu'est-ce que ça regroupe, exactement ? Bien, écoutez, c'est à la fois toutes les applications logicielles qui permettent finalement de faciliter la pratique médicale donc à La Réunion, mais naturellement partout ailleurs où on peut utiliser les technologies qu'on déploie à La Réunion. Donc c'est la première chose. C'est aussi tout le secteur finalement où vous allez trouver ce qu'on appelle les objets connectés, notamment les objets qui permettent de faire de l'automesure. Aujourd'hui, beaucoup de patients ont des objets qui portent sur eux, qui leur permettent finalement d'avoir une indication assez claire des paramètres vitaux qui les concernent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déshumaniser le système de soins ? Ça met un petit peu de distance, peut-être, entre le patient et les professionnels de santé ? En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le contraire qui se passe. On se rend compte d'une chose, c'est que, d'abord, ce sont les patients eux-mêmes qui, à travers ces objets connectés, ont une meilleure connaissance, finalement, de leur propre santé. Et donc, c'est une demande qu'ils font auprès des praticiens, parce que finalement, ils se connaissent mieux. Ils ont un dialogue qui est beaucoup plus ouvert avec le praticien, qui, du coup, doit avoir vraiment un travail avec le patient en termes de pédagogie. Alors pourquoi La Réunion est en pointe finalement dans ce secteur de la santé numérique ? Quels sont les atouts de notre île ? Alors ça fait partie des qualités intrinsèques du territoire. On a d'abord des pathologies qui sont historiques, je pense notamment au diabète, et puis on est dans un secteur géographique qui est tropical, donc on a connu parfois notamment des épidémies dans le domaine tropical, ce qui fait qu'à chaque fois on a déployé ici, on va dire, des connaissances, des expertises qui font qu'on est au fait. On est au fait de ces maladies, y compris, au niveau mondial. Vous êtes en train de nous dire que si on avait eu le numérique davantage développé en 2006, au moment de l'épidémie de chikungunya, on n'aurait peut-être pas eu ce pic ? Alors, je ne suis pas assez spécialisé pour vous le dire, et franchement, je ne suis vraiment pas dans cette expertise épidémiologique pour vous dire ça. Ce qu'on peut espérer quand même pour les patients à terme, parce qu'évidemment, on a été labellisé, vous l'avez dit, durant les vacances, et depuis la labellisation, la vie des patients à La Réunion n'a pas changé. Mais par contre, ce qui va changer, c'est le fait que les entreprises qui aujourd'hui investissent dans le secteur de la santé, celles qui développent, on va dire, des soins, celles qui développent ce qu'on appelle des objets, je l'ai dit, objets connectés, on appelle ça des devices. Je pense notamment aux startups. Vous l'avez récemment décrit à La Réunion, une startup qui s'appelle Oscadi, qui développe le premier échographe portable sur iPad. C'est une première mondiale, elle est faite ici. Et puis, les échographes sont conçus et puis construits à La Réunion. Et bien, tout ça permet aujourd'hui de se dire, voilà, on va avoir des porteurs de projets, des startups qui vont être aidés dans leur développement à travers un ensemble de dispositifs de financement qui vont finalement créer à la fois de l'activité, créer des emplois, créer de la technologie, créer des outils qui, au bout du compte, vont modifier à terme la prise en charge des patients. Alors, on sait que la e-santé est très adaptée pour les maladies chroniques. Pareil pour les seniors et les personnes handicapées qui restent à domicile. Pourquoi ? Bien parce que, vous savez, quand on est patient et qu'on entre dans le système de la santé, on doit se déplacer, on doit souvent se rendre dans les lieux où les soins sont délivrés. Et le fait d'avoir une connexion, le fait d'avoir, une proximité à travers le numérique par rapport à ce système de soins, ça peut vous éviter finalement des déplacements et puis, on va dire, une prise en charge qui parfois est un peu lourde. Vous le dites indirectement, il faut avoir une connexion. Est-ce que le territoire est couvert à 100% ? Alors ça, c'est la force de La Réunion parce que tout simplement, ça fait des années que La Réunion investit dans ce qu'on appelle le très haut débit. On est en avance sur les pays qui nous entourent. Il y a un investissement très très fort de la région Réunion, de l'État, sur ce qu'on appelle le très haut débit. On a un plan qui est prévu pour les trois prochaines années qui est vraiment très incitatif. Et bon, à la fois à travers ce qu'on appelle la connexion filaire, mais surtout de plus en plus la 3G et bientôt la 4G à la Réunion, et évidemment, toutes les applications que j'ai pu décrire, notamment tout à l'heure on parlait de ce fameux échographe portable sur iPad, ça permet par exemple au praticien d'envoyer son diagnostic à distance. Alors ce qui change profondément dans le secteur de la e-santé, c'est à la fois les applications numérisées, mais surtout la mobilité. C'est un accélérateur aussi ? Ben, c'est un accélérateur parce que le simple fait d'être labellisé French Tech, d'abord, ce qu'on a réussi à faire, alors quand je dis nous, c'est pas que Digital Réunion, c'est l'ensemble des partenaires qui les ont accompagnés sur la candidature, notamment on a été largement aidé par la CINOR et la mairie de Saint-André dans ce domaine-là, qui était en fait de mettre la Réunion sur la carte de la technologie en France. Ça, c'est assez important pour le souligner. D'ailleurs, l'État a publié une carte des territoires labellisés. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une carte de France où, à la place de la Corse, vous avez la Réunion. Oui, je l'ai vu, effectivement, ça fait un peu bizarre. La santé numérique, c'est autant pour les hôpitaux que pour les médecins de ville, c'est pour tout le monde ? Alors, je dirais, c'est d'abord pour les médecins de ville, parce que finalement, avoir accès aux diagnostics, aux analyses, des patients en temps réel, ça c'est quelque chose qui facilite finalement la prise en charge et puis l'excellence de la pratique médicale finalement. La e-santé, est-ce que c'est pas surtout un moyen détourné de maîtriser les dépenses ? Parce que c'est un souci récurrent évidemment. Évidemment, tout le monde pense au fait de pouvoir maîtriser les coûts, c'est que c'est un sujet qui est important en France, mais au-delà de ça, la maîtrise des coûts ne pourra se faire que si les praticiens y voient un intérêt dans la pratique de leur métier de tous les jours. Et alors ? Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on a été labellisé, c'est aussi qu'on a des projets pilotes qui sont portés à La Réunion, notamment le projet OIS. Le projet OIS, c'est 19 millions d'euros qui sont investis par l'État dans ce domaine-là depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est un projet qui va arriver à terme, projet pilote, donc en 2017. Et ça permet d'avoir une expérimentation sur quatre sujets qui sont en fait la prise en charge à travers les outils numériques, ce qu'on appelle le parcours de soins numériques, sur des pathologies qui sont le diabète, qui sont, les AVC, et puis insuffisance rénale et cardiaque. D'accord. Il n'y a pas de risque d'américaniser le système de santé français, de ne plus avoir le choix de son médecin, par exemple avec je pense qu'au contraire, si la technologie française investit notamment le domaine de la santé, avec un environnement légal qui est celui de l'Europe, hein, où on sait que les données personnelles, donc tout ce qui touche finalement à l'intime du patient, sont très protégées, je pense qu'il y a plutôt un risque de franciser la e-santé dans le monde. Et la confidentialité des données, vous en parlez justement, elle est vraiment garantie ? C'est toujours la crainte des patients ? Alors, c'est au cœur de tous les projets de développement logiciel, notamment dans le projet OIS, sécuriser la donnée, faire en sorte que la donnée utile arrive aux praticiens utiles à un instant T. C'est vraiment tout l'enjeu du projet. Alors, quelles sont les opportunités économiques pour les acteurs du secteur ? Alors, ça dépasse l'échelle de La Réunion maintenant ? Bien sûr, parce qu'en fait, la French Tech, ça peut être un label national, c'est aussi un label qui est reconnu à l'international. Donc, ce qu'on appelle la tech, donc l'environnement des startups en France, est très présent, notamment au CES de Las Vegas, où on voit que les secteurs innovants français sont mis en avant. Et la French Tech est maintenant reconnue. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ben, ça a l'impact de pouvoir attirer à La Réunion des investisseurs qu'on n'avait pas jusqu'ici. Cette visibilité internationale, elle va se traduire par des créations d'emplois ? Alors, d'abord, des créations d'entreprises, hein, parce que c'est quand même l'entreprise qui crée l'emploi. Ça, c'est vraiment important. La plupart des porteurs de projets à La Réunion manquent de fonds propres. En fait, c'est de l'argent qu'on met soi-même pour finalement effectuer la prise de risque. Et le fait d'être labellisé French Tech, c'est de mettre à disposition de ses créateurs un ensemble de dispositifs qui vont leur permettre d'abonder finalement leur investissement. Donc, grâce au label French Tech, en gros, il va y avoir des financements supplémentaires. De quel montant et pour qui ? Alors, ça va de 10 000 à plusieurs millions. Hein, donc, 10 000 euros à plusieurs millions. Donc, en fait, il y a plusieurs dispositifs. Le premier qui est le plus accessible, c'est ce qu'on appelle la bourse French Tech. Ça permet à quelqu'un qui est en amont de la création de son entreprise. Alors, ça, c'est super important parce qu'en fait, il doit faire la preuve de concept. Hein, donc, vérifier finalement que son entreprise est viable, mettre en place un modèle économique. Et là, on peut avoir très rapidement sous 15 jours, hein, c'est assez important pour le souligner, entre 10 000 et 30 000 euros pour démarrer. Oui, c'est quand même assez exceptionnel. Quelle est la marche à suivre ? Eh bien, en fait, il faut contacter BPI France, donc à La Réunion. Contacter aussi Digital Réunion, où on peut vous mettre en contact avec ceux qui portent ces dispositifs. Est-ce qu'on peut quantifier l'usage actuel de la e-santé, envisager son évolution? Alors, donc à La Réunion, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, en France, vous avez déjà 11% de la population française qui utilise ce qu'on appelle donc, les objets connectés d'automesure. 11%, c'est énorme. Et c'est un marché mondial qui dépasse 10 milliards de dollars. Donc, évidemment, ce sont des chiffres qui sont assez importants. On sait une chose, c'est qu'on y va, on va y aller. Avec une population qui est de plus en plus habituée aux objets connectés. Bien sûr. Il y a qu'à voir nos enfants, comment aujourd'hui ils pratiquent en fait leur vie numérique. Et forcément, ça a un impact sur leur vie numérique à travers la santé. Philippe Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Merci Philippe Dornier, l'invité de la matinale revient demain dès 7h15. D'ici là, vous allez peut-être poster votre petit déjeuner. Vous êtes peut-être encore au petit déjeuner vous sur cette fameuse page Facebook Grand avec Matin. Avec nous aussi, grâce à Facebook, les petites photos. Et ensuite, un cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous. Des invitations pour aller au ciné, participation pour un tirage au sort demain. Ah oui, c'est ça surtout. Chouette. Enfin, surtout pourquoi? Pour aller peut-être à l'hôtel 3 étoiles pour ce week-end dans le sud. Ah, pas tout seul, hein, pour la deux. La vie est belle. Oh là là. Bonne rentrée à tous, Bob Sinclair. Ça nous rappelle les souvenirs, ça a déjà 12 ans. Starac, ça me rappelle. Ouh, ça fait mal le matin. Bah ouais, désolé. Love Generation, c'était Bob Sinclair, générique de la Star Academy. Jean-Claude, vous êtes au Gol à Saint-Louis. Oui, au Gol, du côté de Saint-Louis, avec un très très beau soleil et une circulation qui reste assez dense. Alors pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle qu'il y a un bloc rocheux au niveau de Salazie, à la hauteur de Citronnier, il y a un alternat qui est mis en place et on vous recommande la plus grande prudence dans le secteur. Toujours un autre rappel, une autre piqûre de rappel, bas de la rivière à Saint-Denis. Je rappelle que la circulation se fait dans le sens Saint-Denis en direction de la Délivrance. C'est de 6h à 14h et à partir de 14h, la circulation se fait dans l'autre sens, en provenance de la Délivrance. Vous pouvez aller vers le bas de la rivière en direction de Saint-Denis. De gros ralentissements sur cette route du littoral, puisque vous êtes bien avant les potences pour aller en direction du Barachois, et tout autant de monde dans l'autre sens, avec un premier ralentissement qui se situe à la hauteur du radar du Chaudron pour aller en direction du Barachois. Beaucoup de monde, bien toujours aussi dense du côté de la route des Tamarins, circulation qui s'est densifiée pour aller vers la chaussée royale. Il en est de même entre les giratoires de la plaine Savannah et l'axe mixte. Patience sur l'ensemble du réseau routier ce matin, vous êtes beaucoup plus nombreux qu'hier. Merci beaucoup Jean-Claude, 7h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une académie pour former des vendeurs de fruits et légumes. Les stagiaires ont commencé leur cours hier. LM Academy a été créée par une entreprise spécialisée. On vous dit tout dans un instant. Autre rentrée, celle des futurs professeurs toujours à l'école pour se former mais qui interviennent aussi en alternance dans les établissements scolaires. Nous entendrons Guillaume qui prépare le concours. Le pèlerinage à la Mecque, un moment important pour les musulmans. 480 Mahorais vont prochainement s'envoler pour la ville sainte d'Arabie Saoudite. Reportage de nos confrères de Mayotte Première dans cette édition. Et puis un café, une viennoiserie, un peu de chaleur autour d'un petit déjeuner. L'association Noulela à Saint-Louis démarre la journée des personnes sans abri avec un peu de douceur. Avant cela, Jean-Claude Machir en parlait à l'instant. Prudence si vous circulez sur la route. De Salazie, un éboulis s'est produit à Brassy-Trogner. La circulation est possible, mais en alternance. C'est une école très spécialisée qui accueillait hier ses stagiaires. La LM Academy a été créée par la société LM, l'un des plus grands distributeurs de fruits et légumes dans l'île. Le centre de formation façonne des vendeurs pour distribuer au mieux les quelques 20 000 tonnes de denrées qui transitent dans les entrepôts de l'entreprise avant de finir sur les étals des grandes surfaces. Le reportage de Sophie Persson. Ancien bazardier, Dany Leveneur co-dirige aujourd'hui une des plus grandes entreprises de distribution en fruits et légumes. Passionné, la LM Académie, c'était pour lui un rêve. Transmettre mon savoir. Je me suis dit depuis pas mal de temps, à la retraite, j'aimerais avoir un centre de formation. Bon, je suis loin de la retraite, malheureusement et heureusement. C'était pour moi une nécessité de faire connaître le produit et faire connaître le métier, parce que c'est un métier qu'on n'entend pas souvent parler du fruit et légumes. Un métier moderne, on utilise par exemple plus de factures papier, mais des sortes de grands téléphones. C'est des PC Pocket qui a toutes les informations, et d'après le code barre, on peut nous identifier le produit où il est, et le tracer jusqu'au consommateur final. Du producteur au consommateur. Parmi les stagiaires en formation, Darmi Marine qui travaille au score du port. Quand on finira la formation, on aura des compétences en plus de ce qu'on savait avant. Et la découverte des entrepôts a déjà permis aux stagiaires de mieux comprendre la filière fruits et légumes. Mathieu Tossen travaille depuis un an au Leader Price du Moufia. Il y a tout en bas, là, il fabrique à mettre sous film, les pommes de terre, les filets et tout. Là, on voit comment c'est fabriqué, comment ça arrive dans notre magasin. Quand on dit oui, le mercredi on n'aura pas de barquette, on se dit ouais, mais comment ça se fait et tout. Ben, on voit comment c'est en bas et on comprend après. Les premiers stagiaires de la LM Academy sortiront dans 8 mois avec un certificat de qualification professionnelle. Des stars, des vendeurs de fruits et légumes. Un reportage de Sophie Persson. Des classes spéciales pour les enfants 10, des enfants qui ont des difficultés à l'école à cause de troubles comme la dyslexie qui les gêne pour l'écriture ou la dyspraxie qui les rend maladroits, même pour tenir un simple stylo. À l'école José Barrault à Sainte-Suzanne, deux classes vont être construites pour accueillir ces élèves. Un projet de 100 000 euros porté par le centre médico-psychopédagogique de la ville. Livraison prévue à la rentrée 2018. Quelles seront les particularités de ces classes? La réponse avec Janice Gaufre. Elle est orthophoniste et travaille avec ses enfants. Quand il s'agit d'un trouble du geste, c'est dyspraxie. Quand il s'agit d'un trouble du langage oral, c'est la dysphasie. Quand il s'agit d'un trouble du langage écrit, c'est la dyslexie, dysorthographie souvent associée. Et en fait, la particularité des enfants qui sont dans cette classe, c'est que souvent, ils ont plusieurs troubles représentés pour un même enfant. Donc, d'où l'idée d'avoir mis en place ce dispositif particulier pour qu'ils aient au sein même de leur école les soins qui leur sont nécessaires, donc qui sont donnés par le CMPP, des accompagnements spécifiques, donc soit par des orthophonistes, soit par des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues, voilà, qui vont leur apporter les rééducations dont ils ont besoin pour réaliser les tâches qui leur sont demandées, soit au quotidien, scolaire, familial, voilà. Janice Gaufre, orthophoniste interrogée par Jean-Paul Mélade. La rentrée toujours, c'est une revendication qui revient au fil des ans. Hier, des enseignants ont manifesté devant le rectorat. Ils étaient une dizaine mécontents de leur affectation dans des établissements en métropole. Des nominations que les intéressés trouvent injustes, car dans certaines matières, des contractuels vont être employés à La Réunion, alors que ceux qui ont réussi le concours doivent partir enseigner en métropole. Pas de réponse collective. Le rectorat préfère étudier chaque cas en particulier. Eux souhaitent devenir professeurs. Les stagiaires de l'éducation nationale des premiers et second degrés ont également fait leur rentrée hier après-midi. Ils ont été accueillis à l'université où ils ont reçu leur feuille de route pour l'année scolaire. Ils étaient environ 400. Ces stagiaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation vont entamer leur deuxième année de formation en alternance. Ils partageront leur temps entre un poste dans un établissement scolaire et l'école où ils sont formés. Guillaume a 30 ans. Il prépare le concours en candidat libre.

est bien là ce matin. Oui, là cette fois-ci vous le voyez bien. Oui, là, derrière oui. nous, derrière la petite fenêtre des studios de Réunion Première, le soleil est là. Il est un peu moins présent certes, le seul pourtour du volcan entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, mais partout ailleurs, ciel dégagé, ciel bleu. Oh, le chouette. Bleu est encore donc dominant en ce début de matinée. Le soleil va donc réchauffer l'atmosphère qui est fraîche ce matin. Hein, à peine 5 degrés sur la plaine des Caps, tout comme un volcan. Mmh. 18 sur le littoral ouest et sud. Il fait 20 degrés à Saint-Denis. Les températures évolueront cet après-midi. C'est une bonne nouvelle. Jusqu'à 27 degrés sur le port et Saint-Gilles. Et dans l'intérieur, 22 degrés au tampon. Avec cela, plus beaucoup de vent. 50 km/h à peine sur le nord et le sud. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Un rappel de ce qui se passe sur le réseau routier, Isabelle, depuis bah, écoute, ce matin. C'est dense, là, hein, du coup. Hein. Ouais. Ah bah oui, hein, si jusqu'à 6h30, ça allait à peu près. Là, par contre, ça commence à coincer un petit peu. Hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, route des Tamarins, vous le savez, côté est pour arriver Saint-Denis, c'est compliqué. Route du littoral, il y a du monde. Et puis dans le sud, également, aux alentours de Saint-Pierre, là encore, c'était bien compliqué. Compliqué en orage compliqué. Jean-Claude dans un instant. Et puis avant 8h. Oui, le zapping. Ben oui, il y aura de le zapping. Réunion Première avec oui. Jackie Revel qui nous a compilé tous les meilleurs moments ouais, ou les fait, pires de la radio ouais. sur Première. Et puis, on vous fera gagner cadeau, vos places cadeau. De cinéma. Mais pas que, puisque tous ceux qui auront participé ce matin au petit déjeuner, le défi du petit déjeuner, repartiront peut-être demain. En tout cas, pour l'un ou l'une d'entre vous, avec une nuit d'hôtel en chambre double. Puisqu'il y aura un grand tirage au sort. Demain c'est vendredi. Bah demain, oui. tout est permis. Donc, tout on fait permis. Tirage au c'est sort. Ça, c'est Est-ce ça. Qu'on a encore le temps, là, pendant encore une dizaine de minutes, de poser sa photo de son petit déjeuner? On y va, on y va. Bah, vite, et il y a des retardataires. Il y en a qui se réveillent plus tard. Oh. Il y en a qui travaillent plus tard ou qui ne travaillent pas, qui sont peut-être en vacances encore. Oui, ou qui petit déjeuner au boulot. Ça, oui, ça peut arriver. Mmh. Bah, pourquoi pas petit déjeuner avec tous les collègues? Vous faites une belle photo avec tous les collègues comme ça, puis vous envoyez. Mais qui sur la page de Grand Matin. Après, c'est qui votre paye. Problème. C'est ça le problème. C'est paye. Votre problème. Bah la oui. production ne prévoit pas les coûts hein, de petit déjeuner. Nous, on propose voilà. après ou dispose. Hein. Donc, vous postez la photo sur la page Grand Matin, Grand Matin, G-R-A-N, plus loin, matin. Oui. Et puis, bien sûr, forcément, vous likez en même temps, un petit like. Vous aimez la page. J'aime. Comme ça, la communauté grossit. J'aime. Encore pas trop non plus, mais enfin. Bah, si, pourquoi pas. Grossit, ça peut être bien. Ouais. Enfin, trop de poids, tue le poids quand même. Hein, fais gaffe. Ouais. Quoique dans ce sens-là, pourquoi pas. C'est pas souvent dit ça, tiens. Comment? Le poids tue le poids. C'était la phrase philosophique du jour. 7h43 à Réunion. Et voici Kosla. Et Fanny. Prends mon main sur Première. Première. Bon réveil, bonne rentrée à tous. Faut pas le salifiler. Mais ça si ouais, mais veut faire connaissance et même plus après. Et il dit la beauté fait pas tout. Et si ou ma flash, on a le corps, on a tout. Mon tête, tout fait tout. On est laissé à mi veille à ou. Et pas si c'est pour danser. Et pour mia vous, mi veut faire connaissance. Dame ton même amène à ou. Dame ton qui a ma fille love à ou. Bien coué, moi en tête à tête. Ma fille plane à ou. Yes, qu'un free. Dame ton même amène à où? Dame ton qui a ma fille love à où? toi. Mille est ready, mille est au baby. Sans quand tout est où, sera chaud, sera serré. Ce soir on oublie tout. Ce soir la nuit est à nous. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. C'est toujours un peu pareil, il faut toujours vous faire rêver, vous les femmes. Hein. Bah oui. Mais c'est important, c'est vrai, de faire rêver une femme. C'est un métier, en main, chanteur. Cosla, Fanny. Sur première... Il n'y a pas que les chanteurs qui font rêver les femmes, Jean-Claude Machir, quand même. Non, non, non, tout à fait. Bon. C'est une très très belle chanson. Vous aussi, vous êtes un... Il prend sa voix comme ça. Ouais. Vous êtes de l'over. Vous êtes quelqu'un qui fait rêver les femmes, vous, Jean-Claude, non? Non, je ne sais pas. Il est tout rouge. Ça y est. Il y a des travaux du côté de Saint-Joseph. Retourne à nos moutons. Il y a des travaux du côté de Saint-Joseph sur la route. Il va s'en remettre. Hein. Sur la nationale 2. Et c'est ce jusqu'à 15h30. Alors, avec des micro-coupures qui n'excéderont pas 45 minutes, on vous recommande la plus grande prudence car il y a un alternat permanent à la hauteur de ce sentier. Situation incendiée sur le réseau routier. Bonne route à vous. Continuez à faire rêver les femmes, Jean-Claude. Je sais. Arrête, fait rêver les voitures là. Hein. Ouais. Jusqu'à 8h. Jusqu'à 9h. 7h47 à La Réunion. On va revenir dans un instant dans le Grand Matin. Avant 8h, on vous rappelle qu'on vous fait gagner vos places de cinéma et peut-être aussi à la clé demain pour vous une nuit d'hôtel. Tout ça grâce à votre petit-déj. C'est magnifique. Et à sa photo, évidemment. Allez, excellente rentrée à tous. Vous êtes sur Première. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Première. Et si on allait à Rio? Ça tombe bien, j'ai envie de voyager, dis donc. Eh ben pourquoi pas. Tu m'emmènes? Ben oui, je vous emmène. On va surtout savoir tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Ça me va aussi. Aux Jeux Olympiques, avec Fabrice Craig. C'est parti. Hola, gente! Le journal des Jeux! Fabrice Craig! Bonjour à tous. On débute cette édition avec la tristesse de Renelle Lamotte. Pour ses premiers JO, la Guadeloupéenne a été éliminée hier dès les séries du 800 mètres, réalisant un chrono de 2:02.19, la classant 44e sur 64. Renelle Lamotte s'en veut énormément. J'ai pas de mots pour décrire une course aussi nulle, quoi. C'était impossible de faire un truc aussi mauvais, quoi. J'arrive pas à l'expliquer. Et voilà, je suis désolée pour. Vraiment pour tous ceux qui étaient derrière leur télé, je comprends pas pourquoi j'ai fait une course aussi nulle vraiment. Bizarrement, je me sentais très bien au départ, j'étais très détendue. J'avais confiance en tout ce que j'avais fait avec mon coach, on avait fait tout bien, l'échauffement s'était très bien passé, j'étais détendue. Puis dans la course, l'Espagnol est parti tout de suite. Et au lieu de la suivre, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, je suis restée avec les autres en pensant qu'elle partait trop vite, mais en fait, elle était dans de bonnes allures, j'aurais dû la suivre. Mes jambes n'ont pas répondu, vraiment, c'était nul, quoi. Enfin, voilà, dans les derniers appuis, j'ai compris que c'était fini. Et puis quand j'ai vu le chrono, alors là, c'était l'apocalypse. Franchement, je comprends pas. Renelle Lamotte nous donne tout de même rendez-vous pour les JO de Tokyo dans 4 ans. Le stade olympique accueille aujourd'hui les séries du 4x100, à suivre dans le relais des Français, la réunionnaise Jennifer Gallet, et chez les messieurs, le guyanais Marvin René et le réunionnais Stuart Dutambi. Ce n'est pas passé pour la réunionnaise Cindy Bio. Hier soir, elle a été éliminée en demi-finale du 100 mètres haies. Sa réaction à suivre dans nos prochaines éditions.

Quelle transition, mon Dieu. C'était excusez-moi, tout pourri. Excusez-moi, je tout sors, pourri. Je sors, je sors, j'y vais. Pourri. Bon réveil. La salle. Il y a un système de, d'alerte par SMS avec... C'est-à-dire ? C'est-à-dire prendre, je veux dire... C'est-à-dire ? Alors, les parents, les... C'est-à-dire ? Alors... Ouais, d'accord. Ben... Oh, légèrement trafiqué, ce E, non. Ce E, Jackie. Tant que chat. Bonjour à la réunion, bonjour. Bonjour Jackie, il va arriver dans un instant entre 8h et 10h, mais déjà, on avait forcément ce petit déjeuner, ce grand défi du petit déjeuner sur Facebook. Vous avez été nombreux à participer ce matin, plus nombreux, chaque matin d'ailleurs. Alors on remercie Aglaé, par exemple, Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard qui mange du miel, oh le miel frais comme ça avec un cappuccino, deux petits pains au lait. On a Aglaé aussi, ces deux petits bouts de pain, une petite confiture toute simple, un fruit et puis visiblement un thé. Puis alors là, on a, ils ont sorti le petit déjeuner de compétition. Ouais, Anaïs, quand même, le petit bol de lait, capital, si j'ai bien compris, avec qu'est-ce qu'il y a sur la photo ? Le jus, effectivement, et des biscottes. Et des biscottes. Ça, c'est pour Anaïs. Ah bon, on n'a pas le même truc, mais ça, c'est Anna. Ouais. Ça, Anna, c'est Anna. Bref. Le top. Voilà. Bon, et puis on avait aussi Elvina. Ça, Anna, c'est Anna. Bref. Le top. Voilà. Bon, et puis on avait aussi Elvina. Je suis déjà au boulot. Eh ben oui, vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis professeur des écoles. Professeur des écoles. Bon, on en a eu une hier et on en a une aujourd'hui aussi. Mais vous, vous êtes déjà ancienne dans le métier. C'est ça ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Nouvelle. Ça fait combien de temps ? Et 9. 2 ans. Deux ans. Ah, bah, c'est oui, toute neuve. Toute neuve, effectivement. Ma chère Elvina, et vous avez votre petit déjeuner, vous avez fait votre petit déjeuner ce matin, ça vous a donné la pêche, ça tombe bien. Pour tenir pour la journée. Et c'est ça, bien. Et ça vous fait gagner vos places de cinéma aussi. Exactement, deux invitations pour vous, valables dans toutes les salles du réseau Morifilm. Félicitations, et c'est pas tout. Merci beaucoup. C'est pas tout, on vous inscrit comme tous les autres pour le grand tirage au sort de demain. Peut-être une nuit d'hôtel en chambre double à gagner. C'est pas mal ça. Alors. Bisous Elvina, bonne Allez journée. Allez bien, bisous beaucoup. Bonne journée à vous. Bye bye. La Coljac, c'est ce qui suit avec Jackie. Mémé Rivière sera de la partie. Absolument. Bonjour Jackie. Voilà. Bonjour à toutes. Mémé Rivière, cultivateur de curcuma. Ouais. Là où la plaine des Grecs vient croiser un petit peu les vertus de ce plante que nous avons au pays ici, la Réunion. Mm-hmm. Mais comment utilise-t-il bien, notamment pour la toux et dans la cuisine également? Comment il pousse ces histoires? Il pousse dans la terre, il pousse dans les airs. Comment il fait? Comment il travaille ça? On le saura dans la Coljac. Voilà. Et puis nous aurons aussi Radio Ménage avec Monsieur Krishna et sa femme. Et puis astuce, comment soulager les jambes lourdes, ce qui me permettra de rebondir sur la danseuse sans jambes de la discothèque de swing. Mais ça fait peur, tu te dis. Mais elle existe vraiment, même, la danseuse sans jambes, Jackie ? Alors, je ne sais pas si elle a existé, mais en tout cas, ça a fait le buzz sur Internet. Ah. Et puis, ça a touché la Réunion il y a quelques temps, on s'en souvient. Hein. Ça fait peur. C'est hein, vrai. Ça fait peur. Donc, ce sera en deuxième heure, entre 9h et 10h. Ouais, Florent Marot, il a peur. Hein. Quand vous traînez du côté de cette boîte de nuit qui n'existe plus à Saint-Gilles, vous sentez toujours des ondes bizarres, hein, quand même, hein, sur ce terrain à Saint-Gilles. Oui, mais bon, après, on connaît comme il a invité Madame pour danser. Non, c'est pas mis japonais, ça me vient. On danse. Sinon, et puis slide là-bas, c'est pas moi, arrête de déconner donc. Oh là là. On va pas avoir peur des femmes sans jambes. Mais non, ça doit pas être drôle quand tu dragues toi. Hein. Ouais. T'es bien c'est dansé. C'est un peu dur, un peu agressif là. Non, bah oui, c'est thé. Thé, mademoiselle. Allez, ouais, coq, on m'a, il y a une claque, gueule qui corde une radio. Quand il arrive devant là-bas après. Piu. Tu danses le rio chico avec moi. Enfin, moi, je cause pas la danse sans jambes, perso. Je sais pas, mais ça fait un peu peur votre truc quand même. Oh, bah c'est une légende, après, c'est des légendes. Jean-Claude Machir, vous avez déjà vu la danseuse sans jambes, vous ? Bon, j'ai pas eu l'occasion de la croiser, mais j'en ai entendu parler aussi. Vous l'auriez invité à danser ? Oui, pourquoi pas ? Ouais, c'est ça. C'est ça, non. Ouais. Allez. En tout cas, elle n'est pas sur la route ce matin avec vous. Elle ne vous accompagne pas. C'est plutôt les embouteillages qui commencent à s'améliorer si vous êtes du côté de Plateau-Caillou. Nous sommes maintenant juste dans les rampes de Plateau-Caillou pour la direction de Saint-Denis. Vous êtes tout aussi nombreux à l'entrée est, mais ça reste encore assez roulant. Là, c'est une amélioration pour aller vers le Barachois. Beaucoup de monde dans le sud, que ce soit sur la boîte du boulevard Banks pour aller sur ce boulevard Banks ou dans la rue Luc-Lorient. La circulation s'est densifiée et il en faire de même du côté du pont de la rivière d'abord pour venir sur Saint-Pierre. Armez-vous de patience et sachez que le rocher sous la route de Salazie a été dégagé, la circulation a repris son cours normal. Bonne route à vous. Et c'est une bonne nouvelle, Jean-Claude Machir. Il est 8h à La Réunion. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Faut-il interdire le burkini en France ? La polémique enfle depuis les heures de ce week-end en Corse. Le Premier ministre s'est exprimé sur le sujet. Qu'en est-il à La Réunion ? Nous sommes allés dans une boutique qui vend des burkini. Reportage dans un instant. On parlera également emploi avec la signature hier d'une convention cadre entre la Chambre de commerce et Pôle emploi. Les deux structures misent notamment sur l'apprentissage. Offrir un petit déjeuner aux plus démunis, c'est la mission que s'est donnée l'association Nous Léla. Ça se passe à Saint-Louis, dans un local mis à disposition par la mairie. Et puis en sport, journée mitigée hier pour la France aux Jeux Olympiques. L'aventure continue pour Daniel Narcisse et les handballeurs tricolores. Elle s'est finie en revanche pour la réunionnaise Cindy Bio, éliminée du 100 mètres haies. C'est donc le sujet polémique du moment. Faut-il interdire le burkini sur les plages françaises ? Manuel Valls s'est exprimé sur le sujet. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une vision archaïque de la place de la femme dans l'espace public. Fin de citation. Il dit par ailleurs soutenir les maires qui ont interdit le burkini, ce maillot de bain intégral. À La Réunion, rien pour le moment. Le burkini est présent sur les plages. On en trouve même dans plusieurs magasins, comme ici à Saint-Pierre. Sophie Persson. Dans ce magasin d'articles musulmans, on vend, entre autres, des burkinis. Ces derniers temps, on en a vendu pas mal. Après, bah voilà quoi. Et, bah après, moi je trouve que c'est quand même intéressant pour les personnes, pour que